Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analysés, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble, comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h30, 22h, pour parler, pour débriefer, pour débattre de l'actualité des Girondins de Bordeaux ce week-end. Il s'est passé beaucoup de choses hier, en marge de la défaite 1-0 face à l'OGC Nice, pour le compte de la, de la 12e journée de Ligue 1. On va évidemment y revenir dans cette émission, mais on va pas commencer par ça de suite. On va commencer dans quelques instants, une dizaine de minutes, nous aurons en ligne Madame Frédéric Jossinet, ancienne championne, très grande championne française de judo, multiple médaillée. Oh, attends, j'ai allumé les micros, ça sera mieux. Voilà, multiple. Dès qu'elle est prête, elle appelle. Ah oui, même de suite. Médaille d'argent au JO. Multiple médaillée, t'inquiète, je ferai le petit palmarès. Grande dame du judo. Alors, pourquoi vous dites on invite une judokate? Bah, on va pas parler judo, parce que maintenant elle s'occupe. Elle est directrice du football féminin à la Fédération française de football, notamment en charge de l'organisation de la Coupe du Monde 2019 féminine l'année prochaine. On va évidemment parler de ça avec elle. Évidemment parler de la section féminine des Girondins qui fait quand même un excellent début de saison. Ça nous amènera jusqu'à, 9h. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, jusqu'à 9h30, évidemment, c'est l'actualité qui prime. On reviendra donc, évidemment, sur la nomination de Monsieur Frédéric également. Longue épée, nommé Parking Street et JACP, pour être le nouveau président des Girondins de Bordeaux, à compter du 6 novembre, je crois, si je dis pas de bêtises. On va évidemment en débattre et on terminera sur Bordeaux-Nice. Nous, deux invités ce soir, puisque un invité téléphone ne nous suffisait pas. il est avec nous ce soir, il nous avait, si je dis pas de bêtises, il tient sa parole, puisqu'il nous avait... je crois que un jour tu veux venir en studio, tu viens, il nous avait dit avec plaisir, c'est Clément Carpentier. Bah c'est mieux, c'est toujours plus sympa pour avoir fait de la radio pendant quelques années, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir les gens directement derrière le casque, même au niveau de... Rien que pour les auditeurs, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, du coup, là, je me suis dit, cette fois-ci, je vais venir sur place. Et puis, comme ça, ça permet de rencontrer aussi de visu l'équipe. Moi, je préfère ce genre de relation que de se parler tous les jours au téléphone. Merci beaucoup, déjà, d'être là. Ça, ouais, comme tu dis, c'est bien aussi d'avoir les gens, c'est bien d'avoir les gens au téléphone, mais c'est bien d'avoir les gens aussi en face de temps en temps. Ça fait plaisir de savoir à qui on parle. Frédéric. Donc, merci, Frédéric. Monsieur qui? Jossinet, qui? Madame, pardon. Madame pardon. Ouais. Alors là, entre Frédéric Longuepé et Frédéric Jossinet, va falloir jongler. Donc merci Clément, journaliste pour 20 minutes. On t'a eu plusieurs fois, vous avez pu l'entendre plusieurs fois au téléphone dans l'émission, notamment en fin d'été quand c'était un petit peu chargé en émotion entre le Boyette, Henri, le rachat, ça fusait dans tous les coins. Ça a été encore chargé jusqu'à ce week-end. Là, on espère que maintenant, ça y est, c'est enfin terminé. La signature se met en place. Signature et après, ça sera bon. Et après, on n'est pas trop mal. Ouais, c'est ça. Également, oui. Et à noter, vous pouvez réagir en direct avec le hashtag DirectGA. Et vous pouvez aussi poser vos questions, mais pour Madame Jossinet, pour Clément aussi, qui est en studio. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas avec le hashtag ou par message. Et après, pendant l'émission, on va aussi effectuer le tirage au sort pour le maillot. Oui. Le maillot qu'on vous fait gagner, le maillot sœur dédicacé par l'équipe des Girondins, vous avez été nombreux à vous inscrire. 658, je crois, quelque chose comme ça. Donc après, mais là, vous pouvez encore retweeter là, pendant quelques minutes. Jusqu'à quelle heure à peu près? 9h, on va dire. Ouais, même avant, vers 9h. Allez, 9h, on tente jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h, après, on clôture tout. On fait le petit tirage. Enfin, on fait. Enzo fait le petit tirage au sort. On vous donnera le nom du vainqueur à la fin de l'émission. avec moi, donc, ce soir. Enzo, vous venez de l'entendre. Bonsoir Enzo. Salut tout le monde. Comment ça va, mon petit? Ouais, ça va, ça va. Bien. Ça va. Ça va. Pas trop froid? En vrai, si, ça caille. Il fait vraiment froid. Ça va quand même. Après trois défaites d'affilée, quand même, moi j'irai pas très bien. Puis alors, celle d'hier en plus, avec le temps. Ouais, on se faisait la remarque avec Marc hier au stade. À la fin du match, d'habitude, tu sais, bon, tu perds, t'as au moins tu siffles ou tu machin. À la fin du match, tout le monde s'en foutait. Tout le monde avait qu'une envie, c'était de rentrer au chaud. Sérieux. Ouais. Le mec, il siffle, il y a terminé. Fini, rideau, ouais, bon, c'est bon, on a perdu. Bref, ça devient de plus en plus triste. Et du coup, c'est pour ça qu'à mon avis, on peut féliciter les gens qui étaient au stade. Ah ouais. Parce que franchement, c'est pelé, il faisait 4 degrés. Comme du ça, vent. Surtout après avoir fait le match de l'UBB. Donc, faut pas oublier les supporters dans ces cas-là. Encore, ils ont gagné. L'UBB, et ça ouais, parce que c'était déjà compliqué à l'UBB. Pour les gens qui ont fait les deux matchs, à mon avis, ce matin, ils se sont pas levés ou ils sont. Encore l'UBB, t'as vu une victoire, point bonus. Bon, allez, tu sors de là, t'es quand même un peu, tu vois, t'es quand même un peu joyeux. C'est ça. Marc, je te fais la vacherie ou pas? Salut Thibaut. Comment ça va? Salut pour les auditeurs, puisqu'on n'a pas encore de webcam, mais Marc est en train de finir son, petit, de finir son, voilà. son repas. Voilà. Fini son goûter. Donc il ne peut pas parler, puisqu'il a des ingrédients. Les ingrédients, voilà. En train de mâcher. En train de finir son. On va pas donner de marque. Je suis en train de bouffer l'OL. Voilà. On accueille nos amis. Ah, je vais vous mettre le chat. On accueille nos amis du chat également ce soir présent. Bonsoir à vous. C'est en train d'arriver petit à petit. Ça va arriver tranquillement. Si vous avez des questions à poser ou à Clément ou à Madame Jossinet qu'on va voir dans quelques instants sur le foot féminin, pas de souci. Vous les posez en privé à moi-même et je relayerai tout ça en direct. 05 56 35 31 31 pour intervenir avec nous après 21h de préférence. On peut pas prendre deux personnes en même temps, donc après 21h, après l'interview de Madame Jossinet, si vous voulez parler on parlera du président jusqu'à 9h30. Donc si vous voulez intervenir, réagir à la nomination de Monsieur Longuepée. Ouais, bah oui, Enzo, je sais. Non mais je m'attendais juste à ce que tu sortes. Non mais j'attendais à ce que tu sortes un vieux jeu de mots là encore. Ah non, je pas de ah ouais. Non, je m'attendais à bon, ça. On a toute la saison, voire toute l'année prochaine, voire les 5 prochaines années pour faire des jeux de mots, des trucs, des machins. Ah, c'est bon Marc. Oui, voilà. Ça va Marc, ça y est, t'as fini? Non, pas vraiment, mais fallait la place celle-là donc. Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Marc. Et à noter aussi la bonne initiative des Girondins pour Octobre Rose. Ah oui, c'était quoi le délire là? Ils ont ramassé 13 000 euros. Ouais, ils ont récupéré 13 000 euros, je crois que c'était pour. Je m'en rappelle plus. Pour le donner à l'Institut Bergonié. Oui, mais comment ils ont. Avec quoi? L'Institut Bergonié, qui est un institut de, qui est donc l'Octobre Rose, c'est une opération qui. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein et le dépistage du cancer du sein. Donc c'est. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et le club s'est associé à l'idée donc pour le match de Bordeaux-Nice. Oui, mais les 13 000 euros, c'était comment ils ont récolté ça en fait? Moi, j'ai pas vu. Il y avait les places à 5 euros pour les femmes, voilà. Et en fait, c'était chaque place pour les femmes qui était achetée. C'était les 5 euros étaient reversés à Bergonier. Donc, si on divise 13 000 par 5, on peut savoir combien il y avait de femmes au stade, plus ou moins. Oui, mais ils ont rajouté, je pense qu'ils ont mis un peu au pot aussi. Par 5, je pense aussi. 2600, c'est pas mal. Ouais, non, mais c'est bien. Tout c'est prendre, tout pile. Des choses qui sont importantes et c'est bien de voir le club. On a suffisamment critiqué le club. Ouais, mais alors jouer avec le maillot rose pour Octobre Rose, ouais, c'était vraiment pas indispensable. Mais bon, Montpellier l'a fait aussi. C'est quelque chose à faire dans l'année. Ça coûte rien de spécial et c'est toujours beau aussi de défendre une cause. C'est plutôt sympa, je trouve. Allez, messieurs, on va continuer on va démarrer le cours de l'émission par notre invité téléphone du soir. C'est Madame Frédérique Jossinet. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est vraiment un agréable plaisir de discuter et d'échanger avec vous ce soir. Alors, on va aborder plusieurs petits. Voilà, on va parler avec vous évidemment de ce qui arrive de l'événement de l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde féminine de football en France en 2019. On va parler des Girondins, on va parler foot féminin, voilà, on va aborder plein de sujets, mais avant cela quand même, petit rappel, parce que madame, alors je parle pour moi, hein, du moins, et peut-être Thibaut aussi, les autres sont peut-être un peu jeunes. C'est sympa pour alors, moi, évidemment. Franchement, même madame la ministre. Même pour te dire, je suis autour de la table, je suis le plus jeune. Je me rappelle quand même des combats, je me rappelle quand même. Franchement, un petit rappel quand même. Madame Frédérique Jossinet, médaillée d'argent au championnat du monde de 2003 à Osaka, championnat du monde 2005, remédaille d'argent, championnat du monde 2007, bronze, championnat du monde 2009, bronze, mais surtout, triple championne d'Europe si je dis pas de bêtises, c'est ça. Médaille de... d'argent de bronze aux Jeux Olympiques en 2004 ou 2000, d'argent c'est bien. Pardon oui voilà non, c'est ça, bien, j'ai retrouvé argent, c'est bien. Triple championne d'Europe, deux médailles d'argent championnat d'Europe, quatre médailles de bronze, enfin bref, un palmarès long comme le bras. Oui Marc, donc le prochain président de la FFF c'est Teddy Riner. Voilà. Ouais. Et Teddy Riner prochain président de la Fédé. Première question, alors elle a dû peut-être vous être on a déjà dû vous la poser je ne sais pas combien de fois. Comment on passe du judo à la Fédération française de football en charge du football féminin? Oui, on m'a posé quelques fois, mais finalement pas tant que ça. Je pense que ça dépend du parcours de chacun et surtout des études aussi. Et puis après de son histoire. Moi, j'ai un grand-père qui était semi-pro de football. Donc j'ai traîné sur les terrains toute jeune. Et puis quand j'étais petite, je me suis inscrite au football aussi. Et il y a très longtemps, c'était compliqué en étant une féminine de jouer et de pouvoir aussi, surtout au-delà de s'entraîner la semaine, de jouer le week-end. Et du coup, je suis partie après très très vite, grâce à mon plus jeune frère, faire du judo et puis du coup avoir la carrière que j'ai eue. Et je regrette absolument rien, bien au contraire. Donc ça pour vous dire que déjà je pense que culturellement et historiquement j'avais une sensibilité très football. Donc j'ai toujours suivi évidemment les résultats des équipes de France, des clubs comme Saint-Étienne à l'époque bien évidemment, mais comme Bastia aussi avec l'épopée de la Coupe de France, etc. etc. En gros j'ai toujours été baignée quand même dans ce monde de football. Et puis après on fait une carrière de judoka, de haut niveau, de sportif de haut niveau, on se forme aussi. Moi je me suis formée, je suis passée par des études de sport avec un professeur de sport, mais aussi des études de management du sport et stratégie d'entreprise à l'ESSEC. Ouais, et l'ESSEC. Puis on passe par un cabinet ministériel sous Valérie Fourneyron, où j'étais en charge de toute la thématique femmes et sport, de la loi égalité aussi côté sport, d'août 2014, et puis du développement du sport féminin avec... comme exemple déjà à l'époque, donc en 2013, une belle fédération de football qui s'était engagée après l'élection de son président Noël Le Graët. Et puis par des rencontres, et je pense aussi son engagement presque au quotidien quand je travaillais pour la ministre des Sports, on est repéré et puis un jour la fédération française vous appelle. Voilà comment ça se passe. Ah bah c'est un parcours en tout cas assez atypique. Moi je trouve que voilà, vous avez su allier votre passion pour le sport en général et notamment le football et le judo et puis au final retomber un petit peu dans ce milieu sans en être maintenant plus professionnel, mais vous êtes une professionnelle d'une autre manière. Ouais, et on essaie, ouais. Vous étiez supporter, ou vous êtes peut-être supporter d'une équipe et vous alliez souvent au stade ou pas, du coup, pendant votre carrière de judoka ou même depuis tout petit, on va dire ça comme ça. Marseille et Lyon, c'est des mauvaises réponses. Ça tombe bien, je vais pas les dire. Non, je vous l'ai dit, j'ai des grands-parents qui habitaient encore, donc j'étais une fan de Bastia, avec la belle épopée du parcours de Bastia en Coupe de France. Et puis, honnêtement, je suivais des équipes parisiennes, j'allais dans les stades, j'allais vraiment suivre des matchs football amateur. Après, j'ai toujours surtout suivi le parcours de l'équipe de France, parce que à un moment donné, quand on est aussi en équipe de France, on a envie aussi de suivre les équipes de France féminines et masculines. Et du coup, dès le départ, moi, j'étais la première fan des équipes de France tout court. Puis aux Jeux Olympiques, vous aviez l'occasion de les côtoyer. Alors, même si à l'époque, elles, je ne sais pas si dans le début des années 2000, elles n'étaient peut-être pas encore qualifiées peut-être. Exactement. À chaque fois pour les Jeux. Exactement, elles ne se sont pas qualifiées pour les Jeux Olympiques de 2004 ni 2008. Mmh. La première qualif, c'était en 2012, puis 2016. J'avais croisé des footballeuses en effet et des footballeurs de différentes nations sur les Jeux de 2004 et 2008, et les États-Unis, le Brésil, des nations très très différentes. Mais c'est vrai que quand on est au jeu, honnêtement, c'est pas forcément le football qu'on va supporter et encourager, parce que c'est plutôt pendant les Coupes du Monde qu'on fait ça. Et puis surtout quand on est au jeu, on est focus sur sa performance et on va après encourager aussi ses copains et ses copines d'équipe nationale. Et du coup, j'avais plutôt derrière d'abord les judokas. Thibaut. Alors tout à l'heure, vous avez dans votre présentation, vous avez parlé un petit peu de la difficulté pour les sportives et notamment dans le foot d'enchaîner les études, la vie, on va dire personnelle, avec les contraintes du haut niveau. Mm-hmm. Justement, quel regard vous portez aujourd'hui sur le, parce que le football français féminin, c'est quand même très largement développé depuis quelques années maintenant. Quel regard vous portez sur ce football féminin puisque quand même il y a une grosse locomotive qui est l'Olympique Lyonnais aujourd'hui qui trust un petit peu les premiers rôles justement. Donc voilà, quel est votre avis sur le football féminin français aujourd'hui? C'est une question qui est très large. En plus, je vous donne mon avis alors qu'en plus je suis en charge de développement. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, exactement. Non, mais plus sérieusement, très clairement, le football féminin est en plein développement et structuration. Et c'est pour ça que j'aime bien vraiment expliquer la différence, mais la complémentarité entre ces deux mots, parce que bien sûr qu'on va encadrer et cadrer le développement du football féminin sur tous les territoires, y compris dans les DOM-TOM, mais en France métropolitaine aussi. On va accompagner les clubs dans leur développement, avec des sections féminines, avec des écoles de foot féminines, pour bien accueillir nos jeunes féminines, en tout cas aussi bien que si c'était des garçons. Donc ça, c'est vraiment du développement. Mmh. Après, dans le développement, il faut aussi encadrer à la formation de cette pratique, avec plus de femmes, mais aussi des éducateurs et des coachs qui ont la sensibilité pour encadrer les équipes féminines. Je pense que ça, c'est important. C'est une transposition simple de ce qui se fait déjà dans le football masculin, ou il y a des spécificités un peu plus particulières? Franchement, honnêtement, bien sûr qu'on prend exemple sur ce qui s'est fait à un moment donné, parce que quand les choses sont bien faites comme ça a été fait chez nous, on va pas réinventer l'eau chaude, comme on dit, mais ça a des vraies spécificités, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas du tout le même nombre de pratiquants et de pratiquantes. Nous, on a une base qui était encore il y a 6 ans de 50 000 licenciés, aujourd'hui elle est de 150 000, mais chez les garçons c'est presque 2 millions de licenciés, donc évidemment qu'on ne peut pas faire du copier-coller. Donc on a une vraie stratégie de développement justement pour accompagner la pratique, mais aussi l'encadrement, l'arbitrage au féminin, qu'il y ait plus de femmes aussi dirigeantes dans les clubs, dans les ligues, dans les districts. Ça fait en fait progresser, installer la mixité à tous les niveaux, dans toutes les familles du football et dans tout le monde du football tout simplement. Et c'est ça qui fera que le football féminin va se développer aussi. Et puis, je parle aussi de structuration, parce que c'est très important aussi d'accompagner les clubs, et notamment les clubs de haut niveau, chacun des clubs ont un terme ADN spécifique. En effet, on est une très belle locomotive avec l'Olympique Lyonnais, mais on a aussi des clubs qui sont des clubs 100% amateurs, oui. Qui sont 100% féminins aussi. Il y a des profils très très différents. Il y a des sections féminines qui dépendent vraiment de l'ASOS du club, donc qui est entièrement amateur. D'autres qui dépendent de la SASP du club, comme Lyon, comme le PSG. Et puis il y a des clubs aussi qui sont entièrement et 100% féminins, comme Soyaux, Rodez, voilà. Donc on a aujourd'hui dans notre championnat de D1, qui reste un championnat amateur pour l'instant, on a vraiment des clubs qui sont structurés très très différemment. Ça veut dire qu'in fine et par ricochet, vous comprendrez bien que les féminines et les joueuses au sein de ces clubs ont un suivi qui est différent. Et je veux pas parler de niveau vraiment d'encadrement, mais qui est vraiment différent de par justement cette spécificité dans les clubs. Alors justement, puisque vous parlez de disparité et de spécificité dans les différentes équipes de D1, et nous il y a une équipe qui nous intéresse en particulier, c'est celle des Girondins de Bordeaux effectivement. Donc c'est une équipe qui est issue d'une création avec l'ES Blanquefort, hein, qui était une section, une fusion voilà, avec donc ce qui avait déjà une réputation de club formateur. Oui, c'était un très bon club des deux. Exactement. Voilà. Et du coup, c'est une section à Bordeaux qui a vu le jour en 2015. Mm-hmm. Et on a vu, c'est peut-être pas objectif, mais c'est peut-être aussi l'exemple d'une aventure réussie, parce que 2 saisons après cette fusion, le club monte en première division, s'y maintient et aujourd'hui fait partie des 4 premières, 6 équipes, on va dire, qui sont dans le tableau. Donc justement, est-ce et qui arrive à attirer des noms comme Carla Voges par exemple? Oui, voilà, donc il y a des comme Mylène Tardieu, il y a aussi des joueuses qui sont passées par des gros clubs, dont l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, oui, en plus. Et aujourd'hui, il y a aussi d'autres. On attire d'autres, pas que des internationales françaises, mais aussi des internationales bien étrangères, sûr. Brésiliennes, etc. Justement, comment est-ce qu'à terme ce championnat de D1, pour parce que là on voit qu'il est en train de prendre un peu plus d'importance, il y a une revalorisation pardon des droits télé aussi. Est-ce que à terme ce championnat ne doit pas se professionnaliser à 100%, ce qui permettrait d'avoir peut-être aussi moins d'écart et peut-être plus de sécurité aussi pour les joueuses qui aujourd'hui sont peut-être dans un système un peu entre deux, entre l'amateur, mais avec des exigences professionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que déjà, il faut pas aller trop vite. Qu'on est vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment, je pense, quand même au début de ce développement et cette structuration. Pour la première fois, donc au mois de juin, a été votée la première licence club féminine. Oui. Donc, il n'y avait pas encore de licence. Donc, vous voyez bien qu'on est vraiment au début dans l'accompagnement et la structuration des clubs et dans notre championnat de D1. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en ce moment en place. Pour la première fois, vous l'avez bien compris, de façon récurrente, on voit du football féminin à la télé grâce aussi au partenariat et à la vente des droits télé avec Canal+, oui. Avec vraiment un dispositif conséquent, justement, important dans cette année justement de Coupe du Monde. Donc ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on est en train de faire finalement de ce foot féminin un produit. Et même si on n'aime pas souvent, ça fait un peu marketeux ou un peu trop marketing, on va dire, de parler de produits, mais il faut bien comprendre que pour aller plus loin et justement professionnaliser à un moment donné le football féminin, il va falloir qu'on aille chercher des ressources économiques supplémentaires. Oui. Et ça, on peut pas le faire du jour au lendemain. Donc tout c'est fait. Ce qu'on est en train de faire petit à petit, justement en développant, en structurant, en faisant aussi rayonner ce produit foot féminin, pour qu'il attire aussi des ressources économiques et donc plus de partenaires, de sponsoring, mais aussi la vente des droits télé. Donc pour l'instant, on est en train de le structurer. Canal+, on est parti pour 5 ans d'aventure avec eux. Mmh. Ouais, c'est un très beau partenariat. On a re-signé aussi des droits, enfin, on a signé des droits télé avec notre équipe de France féminine, avec des montants justement bien plus importants que la fois d'avant. Donc on est en train petit à petit justement d'aller chercher des nouvelles ressources économiques. Mais on est encore très très loin des garçons. Ah oui, mais ça... Très loin. Et du coup, encore une fois, par écoché, on ne pourra pas avoir un championnat avec 12 équipes professionnelles, 100% professionnelles, avec... des joueuses qui seront sous contrat pro ou au moins des contrats, toutes des contrats fédéraux à temps complet du jour au lendemain. Donc notre rôle, nous, à la fédération, justement, c'est d'accompagner ce développement, ce produit foot féminin. Évidemment que le partenariat avec Canal+ va nous y aider. La Coupe du Monde doit nous y aider, donc on est en train ça fait déjà 2 ans qu'on est dessus, préparer justement la venue de cette Coupe du Monde en France avec des enjeux très très forts derrière cette Coupe du Monde, sur la performance mais aussi sur le rayonnement du foot féminin partout, sur tous les territoires, et pour que aussi ça donne envie évidemment à tous les clubs, ça donne envie de se mettre aussi au football féminin et d'investir dans le football féminin. Ouais, parce que justement, ça passe aussi par une équipe de France aussi qui est en pleine aussi construction et je trouve même amélioration avec Corinne Diacre, parce que moi c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Je suis quand même un petit peu son parcours. J'aime beaucoup le foot féminin, faut le savoir. C'est aussi une équipe de France qui et non Marc, pas pour ce genre de choses, mais justement parce que je trouve qu'il y a vraiment une progression dans la qualité du jeu et et surtout je suis très content que des clubs professionnels français injectent de l'argent et soient capables de mettre à disposition des structures. Et ce que fait Bordeaux, par exemple, depuis 4 ans avec la section féminine. Et je pense, on n'est pas leader et modèle dans beaucoup de domaines à Bordeaux, mais au moins dans celui-là, on peut en être fier. Voilà. Je pense que le projet de Bordeaux, j'allais dire, est presque idéal. C'est-à-dire que Bordeaux, c'est vrai que avait une envie de faire du foot féminin et d'avoir une équipe. C'est vrai qu'il y avait l'ES Blanquefort qui était juste à côté, qui était un très beau club de foot féminin, mais qui avait aussi besoin de ressources supplémentaires, et pas que des ressources financières, des ressources aussi en termes de ressources humaines, par exemple, d'infrastructures. et de oui structurel. Et du coup c'est une fusion qui a plutôt bien démarré. On voit les résultats qui évidemment vont avec, mais ça n'a pas été toujours simple, notamment au début. Mais on voit, c'est vrai, un club qui a des enjeux derrière l'équipe de Bordeaux féminin, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant comme modèle. Après voilà, je pense qu'ils sont partis de la base, et ils ont vraiment, c'est-à-dire que derrière aussi la vitrine que sont les A hein, à Bordeaux, oui. Il y a aussi une école de foot, oui. Il y a aussi une section féminine avec des petites, avec un encadrement dédié, avec des U19, etc., etc. Et ça c'est très important parce que c'est un projet club en 360, et c'est aussi pour ça que les A sont performantes. Et justement, vous devez être content de l'arrivée des Américains, entre guillemets, puisque le foot féminin est très très développé aux États-Unis, donc il y a quand même peu de chances qu'ils laissent tomber cette section féminine et qui justement cherche à le développer encore plus. Et oui, ils ont déjà un partenariat avec les États-Unis, donc c'est plutôt entre guillemets une bonne nouvelle, on va dire ça comme ça. Bah, on espère, honnêtement, ouais. Moi j'espère fortement. Alors, en effet, c'est vrai, quand on voit des investisseurs qui sont plutôt américains, je me dis que c'est plutôt positif entre guillemets pour le foot féminin, parce que c'est vrai que là-bas le foot féminin c'est du soccer, on connaît tous et vous les en premier les spécialistes, vous connaissez tous l'impact du foot féminin aux États-Unis. Et c'est comme ça que le football est arrivé d'ailleurs, par le soccer et donc par le foot féminin. Et donc bien évidemment qu'on se dit, je connais pas encore les intentions des nouveaux investisseurs, et ça dépendra aussi du nouveau président hein, qui va arriver d'ici quelques temps. Président qui est quand même aussi un ancien gymnaste, qui vient aussi du monde de l'olympisme. Oui. Donc je pense que évidemment entre les investisseurs américains et puis Frédéric Langep, je pense que, en tout cas j'espère hein, fortement qu'il aura une forte sensibilité en tout cas sur le sujet. J'ai une petite question au règlement. Est-ce qu'aujourd'hui une équipe de foot professionnelle, donc un club de foot professionnel, est obligée d'avoir une section féminine dans son club? Pas du tout. Est-ce que ça serait pas bien de l'imposer? C'est une bonne question. On s'est posé, c'est en tout cas le comité exécutif et notre président Noël Aubrette qui s'est posé la question il y a quelques temps sur sa première élection. Ouais. Et puis il en avait été question, et puis après réflexion, on s'est dit que le plus important pour nous, en tout cas à la fédération, c'était de développer la balle. De permettre à toutes les féminines, les jeunes et les moins jeunes, de pouvoir pratiquer le football, si elles ont envie de faire du football, de pouvoir le faire, dans un périmètre pas trop loin non plus de chez elles. Donc on a eu des premiers objectifs justement pour abaisser ce nombre de kilomètres, pour que n'importe quelle petite ou féminine qui a envie de faire du foot puisse le faire, et pas à une heure de chez elle. Donc ça a mis quand même quelques temps. Et puis on s'est dit que finalement, en développant et en faisant rayonner ce football féminin, finalement, et en s'appuyant comme avec l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, ou à Montpellier avec Louis Nicolas, finalement, ce foot féminin de haut niveau allait rayonner, allait donner en quelque sorte des envies. Et les clubs pro, mais pas que, y viendraient. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on pense aujourd'hui, honnêtement, le fait de l'imposer serait plutôt contre-productif que l'inverse. Oui, il y avait des réticences aussi que de la part des clubs à se faire imposer la création d'une section féminine, tout simplement parce que il y a certains clubs qui n'ont pas le vivier ou qui n'ont pas les structures nécessaires pour et qui manquent très clairement d'infrastructures. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous connaissez le premier frein. En termes d'accessibilité, d'accueil de féminines, mais le premier frein, c'est les vestiaires. Aujourd'hui, tous les clubs, et j'allais dire les deux tiers de clubs, n'ont pas des vestiaires dédiés 100% aux féminines. Ça paraît et bête c'est comme ça. Le gros frein. Ça paraît tout bête comme ça, comme truc, mais oui, effectivement, c'est la base. C'est la base. Ouais. C'est la base, exactement. Donc, il faut mieux susciter des envies, donner de l'envie à tous les présidents et tous les investisseurs pour qu'ils ils s'y mettent tous. Et pour aussi développer la base et la structuration du foot féminin en France. Alors, Marc, j'ai l'impression quand même que le football féminin, alors faut pas mal le prendre, hein, est quand même un ton au-dessous du football masculin, on va dire, dans la ferveur, dans tout ce qui peut pousser. Donc si je voulais essayer de le comparer à quelque chose, j'aimerais bien le comparer avec le handball féminin. Aujourd'hui, pour moi, on est à peu près dans les mêmes structures, dans les mêmes moyens. Comment, à la fédération, on voit le projet du gouvernement arriver, puisqu'on parle beaucoup de diminution des aides d'État dans tout ce qui est sport amateur. Oui, alors nous, très honnêtement, le foot féminin est encadré par la Fédération française de football. Et donc, la Fédération française de football s'occupe aussi bien des garçons que des féminines. Donc nous, c'est quand même compliqué de comparer le handball, qui est un sport olympique, qui, c'est vrai aussi, dépend beaucoup, beaucoup du gouvernement et du ministère des Sports et de sa loi de finances. Nous, on est un tout petit peu moins dans ce cas-là, très clairement, et on a quand même des gros partenariats avec la FFF, des partenariats privés, de sponsoring, et qui, par ricochet, nous aide énormément aussi à développer, du coup, et à nous donner les moyens de développer vraiment ce football féminin. Donc c'est compliqué de comparer. Moi, de toute façon, je n'aime pas beaucoup les comparaisons, mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué de comparer deux fédérations qui n'ont, je pense, absolument pas les mêmes ressources économiques. Ok, donc pas de problème économique. Alors, l'autre question que j'aimerais vous poser, on a souvent eu des essais de la part du club des Girondins de Bordeaux de mettre les féminines après le match. Parce qu'avant c'est problématique. Est-ce que c'est des choses qui sont poussées par la fédération ou qui viennent de l'initiative seule du club? Absolument pas. C'est ça qui est bien aussi avec les clubs, c'est qu'il y a eu des levées de rideaux, il y a eu des baissées de rideaux. Les clubs se mobilisent pour proposer, essayer aussi des choses. C'est évidemment que ça marche pas à tous les coups, mais il y a des essais qui sont plutôt transformés, et moi je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer d'adapter le calendrier? Alors, vous allez peut-être me dire que c'est fait, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'adapter le calendrier? Par exemple, je pense à Bordeaux PSG qui a en féminin ce week-end, et Bordeaux PSG dans un mois. Est-ce que ça aurait pas été plus judicieux pour le football féminin de mettre ces deux matchs en même temps, le même jour, à juste quelques heures de décalage, pour que ces deux matchs puissent se faire dans le stade, par exemple? C'est une très bonne réflexion. Je pense que, comme vous l'avez dit, le pro du foot masculin et le pro du foot féminin est très différent aussi. Regardez juste, en fait, qui va regarder et se déplacer dans les stades pour le foot masculin, et allez voir aussi qui se déplace pour le foot féminin, et vous verrez bien qu'il y a un public, en tout cas spectateur, qui est essentiellement familial dans les rencontres de foot féminin, et qui est très différent en fait de celui d'hier. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne peut pas être complémentaire, bien au contraire. Ça, c'est ce qu'on aimerait aussi faire et développer, mais ça va mettre aussi un petit peu de temps. Après, est-ce que c'est bien que finalement les deux équipes jouent dans les mêmes stades? Faut voir. Je pense que ça dépend aussi, j'allais dire, de l'emballage, du papier cadeau et donc de toute la communication, de la promotion, de l'aspect marketing qui doit être fait aussi à travers, du coup, ces deux rencontres. Mais pourquoi pas? Je pense que vous avez raison, c'est une très très bonne question. Est-ce qu'à un moment donné, il faut justement qu'on s'appuie sur un calendrier et en tout cas proposer des week-ends, en tout cas, sur des rencontres, en sachant que le calendrier de Ligue 1 est fait aussi avec la LFP, et que nous, pour l'instant, c'est vraiment la 3F qui monte et qui proposons le calendrier de la D1 féminine. Mais on est en relation, et on a des très bonnes relations aussi avec la LFP, donc pourquoi pas aussi avoir une réflexion sur des événements comme cela. Merci beaucoup. Moi, je prends note. Je vous cache pas que je pense que je suis peut-être pas le seul, mais j'ai du mal à me déplacer pour aller voir un match, surtout en hiver, hein. Des féminines. Viens dimanche prochain, 5€ Bordeaux PSG. Mais tu vois, il y a plus de chances, justement. C'est pour ça que je pose la question, c'est qu'il y a plus de chances que je reste dans le stade, où j'arrive en avance pour voir les féminines, plutôt que je me déplace, parce que je profite aussi, quand on suit beaucoup comme ça, les gens qui s'abonnent, etc., quand on suit beaucoup le foot, y a une chose aussi, c'est que quand le match il se joue pas, et qu'on n'a pas besoin d'aller perdre son après-midi ou sa soirée pour voir les pros jouer, généralement on le réserve ce temps-là quand il est disponible pour faire autre chose. Donc c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je vais aller voir les féminines jouer, perdre mon après-midi alors que j'ai aussi d'autres choses à faire et mais que c'est aussi ces moments-là où c'est pas perdre ton après-midi, c'est voir du foot. Les joueuses en tout cas les matchs des Girondines, vous pas perdre votre après-midi. Non, non, mais quand je dis perdre mon après-midi, on va être voilà, non, quand je parle de perdre mon après-midi et je dis la même chose quand le match est à 15h des Girondins, je perds mon après-midi. J'ai pas perdu en soi mon après-midi, mais c'est-à-dire qu'un match qui s'est déroulé de 15h à 17h, voilà, t'arrives à 14h, le temps de rentrer chez soi, il est 19h, pour avoir une heure et demie de son temps à profiter du football. Donc, pour moi, ça s'appelle perdre mon après-midi si je dois le comparer à, justement, mais là, maintenant, de 14h à 19h, je vais faire quelque chose pendant 5h et pas pendant une heure et demie. Oui, ouais. Oui, bien sûr. Après, vous connaissez aussi, tous les besoins aussi des diffuseurs aussi pour les matchs des garçons. Je vous passerai le cahier des charges pour la production des matchs, qui est assez énormissime, avec les caméras, avec une pelouse parfaite et donc avec des jardiniers qui font aujourd'hui très très très attention à leur pelouse pour le match des garçons. Et ça voudrait dire qu'il faudrait négocier entre guillemets pour que les féminines jouent avant. Ou après, mais c'est pareil, est-ce que les spectateurs resteraient si le match avait lieu après? Bordeaux, c'est déjà arrivé à Bordeaux. C'est moi, je suis arrivé à Bordeaux. C'est arrivé à Bordeaux, c'est arrivé à Guingamp. C'est arrivé dans d'autres, avec d'autres clubs. Mais la réflexion, elle est, répondre au cahier des charges des diffuseurs, avec tous les enjeux de droit télé qu'il y a derrière. Et en sachant que c'est pas le même diffuseur, hein, vous avez bien compris, entre la Ligue 1 et la D1. Et donc vous voyez bien la complexité en fait de l'opération. C'est une très bonne idée sur le fond. Après, est-ce qu'elle est réalisable aujourd'hui avec tout ce que ça peut impacter? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a quelque chose qui va être. Après, j'en profite de ce que vous dites quand vous parlez des cahiers des charges de la télé, etc. Arrive un moment, c'est un petit peu le problématique du football, c'est-à-dire quelle part on considère que le business doit s'arrêter. C'est un débat à poser. Je pense que on veut quoi que les gens se déplacent voir les féminines jouer et les masculins. On préfère remplir les stades ou on préfère mettre les gens devant leur télé. C'est pour moi il y a un débat aussi à poser là-dessus. C'est que c'est bien de dire les filles vont être sur Canal, etc. Pensons à déjà faire en sorte que les gens aillent au stade voir du football, consomment le football dans le stade, dans de la convivialité, plutôt que derrière un écran télé ou derrière un téléphone. Alors, quelque chose qu'on pourra voir avant de terminer cette interview, quelque chose qu'on pourra voir cette fois-ci en clair sur toutes les chaînes de télé au mois de juin, c'est l'événement du foot féminin et l'événement du foot français tout court, puisque l'année prochaine, il n'y a pas ni d'Euro ni de Coupe du Monde. Voilà, du foot tout court, la Coupe du Monde féminine en France, la première. Ou faut peut-être pas la première, il y a peut-être dû en avoir une il y a très très longtemps, non? Non, c'est la première. La première. Si j'ai des pas de bêtises, j'ai la date du 7 juin, exactement, du 7 juin au 7 juillet 2019. Alors, moi, il y a quand même un truc. On aurait pu aller jusqu'au 12 ou au 14. Mais non, mais j'ai la liste des stades sous les yeux et je vois pas le mien. Et ouais, je suis bien d'accord avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bordeaux? Moi aussi, je suis déçue. Non, je crois que c'est la ville qui a pas souhaité se porter candidat. Exactement. Ouais. C'est aussi simple que ça. Alors, vous voyez qu'en effet, qu'on ne taxe pas la fédération de dire, ouais, voilà, ils ont pas voulu venir à Bordeaux. Mais si Alain Juppé était fan de sport, ça serait. On a fait un appel à candidature. À partir du moment, donc en 2015, on a eu le droit d'organiser par la FIFA, le droit qui nous a été donné par la FIFA d'organiser cette Coupe du Monde. On a fait un appel à projet pour les villes, pour qu'elles soient candidates et qu'elles deviennent des host cities pour cette belle Coupe du Monde. Et Bordeaux n'a pas candidaté. Il y avait l'Euro aussi qui arrivait très peu de temps après. Oui, il y avait l'Euro 2016. Aussi, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'éléments, mais bien sûr que nous aussi, on était un petit peu au départ un petit peu déçus, parce que vous voyez bien qu'il y a une bonne partie de l'ouest de la France. C'est tout l'ouest, Impacté par des matchs. Le plus près, c'est Rennes ou Montpellier, je t'entends parler. Maintenant que Bordeaux est à 2 heures de Paris, que Rennes n'est pas si loin après tout, on se dit que finalement la Nouvelle-Aquitaine va se déplacer. Vous savez, c'est le Nord pour nous. Et va y avoir des beaux matchs. Oui, mais il n'y a qu'une Coupe du Monde et je peux vous dire que derrière, parce qu'on a eu la Coupe du Monde 98, on a eu l'Euro 2016, on va avoir la Coupe du Monde féminine. Ouais, non, je peux vous vrai. Dire que derrière, pour avoir des grands événements footballistiques, ouais. il va falloir s'accrocher. Et puis en termes de licenciés, c'est bien, ça va peut-être booster un peu les, ça va peut-être booster un peu les écoles de foot féminin. Et surtout, alors clairement, parce que franchement, cette équipe de France, elle est passée quand même. À chaque fois, on l'attend et à chaque fois. On va dire ce qui est aussi un petit peu, elle se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Elle, pourtant, elle a eu des générations depuis, on va dire, une dizaine d'années très fortes, toujours des équipes très fortes qu'on attendait peut-être très ou trop, alors peut-être qu'on en attendait trop aussi, peut-être, je sais pas. Mais là, clairement, voilà, Coupe du Monde en France, l'objectif, allez, si on veut dire une Coupe du Monde réussie, on va faire dans le classique, demi-finale, dans les quatre derniers, alors, ça, on sera content à la fédé. Ça dépend de ce qu'on met derrière la réussite de chaque Coupe du Monde. Nous, on a des enjeux, je vous l'ai dit, très forts. Au départ, on a, et d'ailleurs, c'est notre président Noël Le Gac qui a voulu candidater justement pour organiser cette Coupe du Monde, parce qu'il pensait, et il le pense encore, que cette Coupe du Monde, justement, permettrait d'asseoir définitivement le football féminin sur tout le territoire. On a besoin des grands événements en France pour vraiment installer définitivement aussi une pratique. Et en plus quand c'est du sport féminin, donc voilà, on avait des enjeux, on va dire, de développement et de structuration et de rayonnement du foot féminin derrière l'organisation de cette Coupe du Monde. On a évidemment un enjeu très fort qui est le remplissage des stades, évidemment, parce que on a besoin aussi, vous savez, ça coûte quand même c'est une belle enveloppe pour organiser cette Coupe du Monde aussi. Il va falloir qu'on s'y retrouve et qu'on soit à l'équilibre. D'un point de vue, on va dire, économie. Et donc, il faut qu'on remplisse les stades. Et puis, il faut qu'on remplisse les stades aussi parce que quand on est athlète de haut niveau, quand on est joueuse, je pense que c'est toujours quand même bien plus sympa de jouer avec des stades pleins qu'avec des stades à moitié pleins, voire aux trois quarts vides. Oui, d'accord. Donc ça, c'est le vrai enjeu aussi de cette Coupe du Monde, c'est de montrer que c'est du vrai spectacle, le foot féminin. Pour justement, on en a parlé tout à l'heure, et je vous l'ai dit, on a besoin aussi d'upgrader encore, d'élever ce produit foot féminin. Et puis, bien sûr, il y a la réussite sportive, la performance. Je pense qu'en France, on a besoin aussi d'avoir des compétitions pour accéder à une certaine performance. On l'a vu avec les garçons 98. Mmh. On l'a vu quand même avec une jeune équipe aussi pour l'Euro 2016. Mmh. Donc, je pense qu'on a besoin de ça. Donc, est-ce que ça va aider? On espère fortement. Mais j'allais dire, en tout cas, d'un point de vue de réussite sportive, on va poser la question à Corinne Diac, qui est notre nouvelle sélectionneur. Et c'est vrai que on sent qu'il y a un gros travail de fait de la part de Corinne. Maintenant, j'allais dire, la performance lui appartient. Moi, j'aime pas trop parler à la place de notre sélectionneur parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle a un staff qui est plus que compétent. C'est à elle qu'appartiendra cette réussite sportive ainsi qu'aux 23 sélectionnés. Exactement. Nous, on la mettra dans les meilleures conditions et dispositions possibles pour l'aider à atteindre cette performance. Maintenant, c'est vraiment Corinne qui sera la chef d'orchestre de cette performance. Ouais, Thibaut. Non, mais j'écoute religieusement parce que c'est un sujet qui est important et la réussite sportive d'un projet comme ça, elle est essentielle pour le développement du football féminin bien en France. Sûr. Donc et la victoire serait encore plus. Mais en même cas de victoire, ça serait encore plus. Évidemment. Plus voilà. Bon, après, moi, je pense que vous avez raison dans le sens où c'est vrai qu'en plus on a un parcours et une Coupe du Monde qui est entre guillemets assez originale puisque on a un premier match en cas avec l'équipe de France qui sera à Paris au Parc des Princes. Oui. On connaîtra l'adversaire du premier match de l'équipe de France le 8 décembre puisqu'il y a le tirage au sort avec toutes les équipes qualifiées qui s'effectuera le 8 décembre à la scène musicale à Paris. À partir de là, on aura le calendrier des matchs. Oui. Complet donc des 52 matchs de la Coupe du Monde, en tout cas des 6 poules, et donc des premiers tours avec la répartition par territoire et par aussi et par stade du coup. Et puis après, on a les deux demi-finales et la finale qui se joueront, quoi qu'il se passe, à Lyon, avec une place de 3 aussi, puisque c'est une Coupe du Monde FIFA et qu'il y a contrairement à l'Euro, il y a une place de 3 qui jouera à Nice. C'est vrai qu'évidemment, nous, ce qu'on aimerait, c'est que l'équipe de France aille jusqu'au bout. Jusqu'à Lyon. Et évidemment que ce soit au moins en demi-finale, parce que le parcours, quoi qu'il se passe, sera, si ça passe à partir de la demi-finale, ça va en finale, et c'est super. Et l'équipe de France va jusqu'au bout. Et puis, même s'il y a une on va dire, une moins bonne performance en demi-finale, il y aura quand même une place de 3 qui jouera à Nice. Ça veut dire que l'équipe de France iront jusqu'au bout des matchs possibles, en tout cas, en nombre de matchs de cette Coupe du Monde. Et c'est très important, puisque vous l'avez dit, pour la première fois, TF1 a acheté les droits de cette Coupe du Monde. Ça, c'est aussi très fort comme message. TF1, c'est quand même le partenaire historique de l'équipe masculine garçon. Oui. Avec les Coupes du Monde des garçons 98 et 2018, ils sont du coup très fortement engagés, ils croient vraiment en cette Coupe du Monde. Et donc, pour nous, évidemment, que TF1 diffuse tous les matchs de cette Coupe du Monde, mais pas que de l'équipe de France, mais en prime time aussi de l'équipe de France, du coup, c'est très important que cette équipe de France aille le plus loin possible. Alors, juste avant qu'on conclue avec Thibaut, pour préciser, alors, rattrapez-moi si je dis une bêtise, mais en théorie, on connaît déjà les trois premiers stades où évoluent ou les trois premiers stades des trois premiers matchs de poule de l'équipe de France. Le premier, le 7 juin, ce sera au Parc des Princes, donc vous l'avez tout dit tout à l'heure. Le deuxième, France, tête de série comme les voilà, exactement. Le deuxième match, le 12 juin, ça sera à l'Alliance Riviera de Nice. Et le troisième match de poule, le 17 juin, 5 jours plus tard, au Roazhon Park de Rennes. Donc déjà, exactement, les gens qui veulent aller voir les matchs de l'équipe de France, vous pouvez déjà... Il y a déjà les packs et de billetterie avec franchement des prix qui défient toute concurrence, qui sont déjà à la vente, grand public. Ah ben, je vais jeter un coup d'œil tout de suite. Alors là, puisque vous en parlez, je vais regarder FIFA. De suite. Il n'y a qu'une porte d'entrée, c'est FIFA.com. Ah oui, c'est la FIFA, oui, c'est pas, oui, la, sur le site de la Fédé, oui, puisque c'est la FIFA non, qui organise. C'est une coupe donc, du monde FIFA. Exactement. Thibaut, pour conclure. Ben non, moi je voulais vous remercier de votre disponibilité ce soir et d'avoir répondu à nos questions parce que et de mettre en lumière aussi le football féminin parce qu'on le fait pas souvent dans cette émission et c'était quelque chose qu'on voulait faire un peu plus souvent avec justement un focus sur les sur ce qui nous concerne nous directement les Girondines ou la section féminine des Girondins de Bordeaux. Donc merci à vous d'avoir répondu à nos questions et merci à vous aussi pour votre engagement dans ce combat qui est le football féminin. Pour le football féminin. C'est gentil, j'ai passé un très bon moment avec vous et puis bonne continuation, bon courage et puis j'en profite pour souhaiter aussi bonne chance du coup aux Girondines qui ont eu du mal le week-end dernier. Merci de ne pas nous le rappeler. S'il vous plaît. Le championnat est très très long et puis elles sont Oui mais là quand même ça fait mal. 5-0 à Paris. Oh, ça fait mal. Ouais, mais il y aura un match retour. Voilà. Ouais, exactement. Elles seront vengées par les hommes qui dans un mois en prendront 6. Non, c'est-à-dire alors attends, il faut expliquer à Marc, c'était pas le PSG, c'était le Paris FC. T'as essayé, c'est bien. J'ai rien à dire, je faisais une connerie parce qu'on m'a dit que c'était ce week-end. Marc, c'est pas grave, c'est passé à côté, mais t'as essayé, c'est l'important, c'est de participer, c'est bien. Merci beaucoup, Frédéric Jossinet. Avec grand plaisir. Et encore bravo quand même parce que moi, quand même, ça m'a quand même rappelé des petits souvenirs, donc encore bravo pour la. Mais non, mais sans déconner. J'ai remis une couche après. Ouais, j'ai remis une couche. Ah, mais c'est bien. On se rend pas compte. Bah ouais. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Non. Vous auriez pu me sauver quand même. Non. Franchement, on t'a laissé t'enfoncer tout seul. J'ai fait exprès de dire Paris pour voir s'il y en avait un qui allait répondre derrière. Franchement, ouais. Non, mais moi, je me rappelle des combats cette nana sur un tatami, mon pauvre. Mais c'est d'ailleurs la folie. Je suis bien content que personne n'ait pas relevé parce que évidemment, on a tous préparé l'émission, mais elle a fait Koh-Lanta le combat héros. Je l'ai vu. Eh oui. Elle a fait Koh-Lanta. Mais j'ai dit, je vais pas en parler, ça la fout mal de résumer qu'à ça. Ouais. Non, mais bon, elle a participé en fait avec, je sais plus trop avec qui. Vu que j'ai dit que j'avais pas le temps d'aller voir les féminines, tu t'imagines bien que j'ai pas le temps de regarder Koh-Lanta. Non, mais c'est pas regarder Koh-Lanta. Non, mais Marc, franchement, ça va. La boulette, elle est mignonnette, ça va. T'as essayé, c'était en 2010. C'est pas grave. Mais bon, voilà. Maintenant, tu le sais qu'il y a deux clubs, il y a le Paris FC. Et le PSG. D'ailleurs, Paris FC qui est l'ancien Juvisy, qui est le club de Gaëtan Tinet, une des plus grands attaquants qui a marqué un but. Le Paris FC. Ouais. Qui a marqué notamment, qui a fusionné avec Juvisy. Et d'ailleurs, merci aussi aux auditeurs qui ont écouté. Donc évidemment, cette interview sera disponible en podcast demain, sous peu. Voilà. Demain midi, je m'en occupe. Voilà. Alerte. On serait fait. Alors pas alerte enlèvement, alerte maillot. On lance à partir de maintenant 21h20. Vous retrouverez, comme l'a dit. Il y a pas quelqu'un qui peut faire le direct live Facebook. 20. Non. Non, on peut pas. Techniquement, apparemment, on a des problèmes. On lance le tirage définitif. Donc vous aurez le nom du vainqueur du maillot d'ici la fin de l'émission. d'ici une quarantaine de minutes à 22h. Ou peut-être même avant, si Enzo me dit 5 minutes. Très bien. La régie me dit 5 minutes. Messieurs, on va. Alors, excuse-moi, Enzo, faut que je te prenne juste ça, voilà. Alors, juste, rien à voir, mais il y a eu un petit tag de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux suite à, au fait que soi-disant il est en retard, etc. Donc, il a répondu aux journalistes, bon courage maintenant. Que c'est pas vrai, il était là à l'heure et que les caméras de l'UEFA sont là pour prouver. Donc en gros, il est arrivé, fausse information, je suis arrivé dans les premiers mardi soir au Parc des Princes, vous pouvez vérifier ceci à l'aide des caméras de l'UEFA. Cordialement. Et Winamax a répondu, et il va falloir qu'on invite le CM un jour ici. Ouais. On a vérifié, ok pour toi, mais Rabiot a au moins 20 minutes de retard sur le but de Mertens. J'ai trouvé ça juste magique. Voilà. Alors. Bien, okay. Bien. On va passer donc à la suite, puisque hier, on a un. Non, mais oui, on a un gagnant. On a un gagnant. Nous donnerons son nom à la fin de l'émission. donc, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc, hier après-midi, juste avant le coup d'envoi de Bordeaux-Nice, GAC Peking Street ont fait un communiqué. Pour nous annoncer que le nouveau nom du président, le futur président des Girondins, parce qu'il n'est toujours pas en... C'est toujours Frédéric Martin, c'est toujours Stéphane Martin, qui est en activité, oui, encore pendant, on va dire... Tranquille. 10 petits jours. Oui, sous réserve que la vente, parce qu'au final, plus ils que sont ça, toujours propriétaires de rien du tout. Il est propriétaire, il est président encore... jusqu'à la vente, quoi. Oui, non, mais je veux dire, pour l'instant, ils sont propriétaires de Wallou, hein, les Américains. Oui. Ils nomment un mec qui va être président, mais oui, ils sont propriétaires ça, mais de... Non mais voilà. Non mais c'est un petit peu, tu vois, c'est comme ma femme en ce moment, tu vois, elle est en train de monter son truc. Elle va avoir la banque, tu vois. Et le jour où la banque lui dit oui, c'est bon, vous signez, vous avez l'argent dans 10 jours. Si ce cas arrive dans 10 jours, on n'attend pas les 10 jours pour commencer à préparer les actions. Bon, mais c'est pareil, tu t'imagines. Ah, mais regarde le temps qu'ils ont mis à trouver un mec. Il a mis un tir à sa femme. elle a rien demandé. Il a mis un tir à ma femme, pas du tout. Donc franchement, quand tu es dans ce genre de situation, regarde le temps qu'ils ont mis pour trouver. Oui, je suis d'accord. Remplaçant, imagine 30 secondes. Ce qui se passait s'ils avaient attendu d'être officiellement en poste. Déjà, le mec qu'ils ont trouvé, il sera même pas là le 6. Oui, en plus. Donc, j'ai l'impression surtout qu'on est dans l'incompétence de communication la plus pourrave du monde. Parce que soi-disant qu'on voulait tous le connaître. Nicolas Taverneau, il a fait un petit peu la... Enfin, Clément, je sais pas si... Oui, mais après Nicolas de Taverneau, il a fait un petit peu la soupe à la grimace. Oui, il est bien gentil, mais il vend son million... Nicolas de Taverneau, mais bon, c'est lui qui a mis le club dans cette forme de communication au Léola depuis 6 mois. Et puis là, il commence à dire, ah ouais, ils se comportent pas très bien, ils y vont un peu fort. C'est surtout qu'il voit que le club, il va plus être président du club ou propriétaire du club dans 10 jours. Et Nicolas de Taverneau, personnellement, je pense que ça lui fait pas plaisir. De ce qu'on sait... Et puis même sans ça, j'ai envie de te dire une chose. Moi, là où je commence à en vouloir déjà, j'ai assez peur qu'ils sont en poste, soi-disant que le mec, il devait être aimé, des supporters bordelais, machin, bidule et tout. Calmos, le mec, il est même pas encore en poste. Calmos. Non. Calmos Ramos, je vois pas en quoi Dartu et Tiongyong, ils étaient plus aimés des bordelais. C'est pour ça que quand sors dans les médias le 12 octobre, le président des Girondins de Bordeaux sera quelqu'un d'apprécié de connu par les supporters bordelais. Ouais, alors. Après, faut voir, moi, pour franchement, revenir ce à monsieur, cette époque-là. Il me dérange pas, il non, a non, mais tu le connais pas et il est pas apprécié des supporters bordelais. Quand donc, t'es directeur général adjoint du PSG pendant 6 ans sous leur Qatari, je pense que c'est. Les gars, on peut s'écouter. Pas dire que t'es une pipe. Non, mais j'ai jamais dit ça. Non, c'est juste qu'à l'époque, quand ils ont dit ça, pour répondre à Marc, c'est qu'en fait, je pense que les Américains, quand ils ont dit cette phrase, ils ne pensaient pas au grand public. Il pensait au milieu bordelais, puisqu'à l'époque c'était Jean Dartuis qui était choisi par GACP. C'est son dossier qui a été présenté à Alain Juppé. C'est son dossier qui a été validé par Alain Juppé. Bon, après on peut toujours parler du rôle d'Alain Juppé dans cette affaire, qui est un peu de l'ingérence à l'intérieur d'une société privée. Mais pour revenir à cette affaire, je pense que malheureusement quand ils ont dit ça, ils ont mal maîtrisé le truc, parce qu'ils ont dit ils ont dit ça et tout le monde a cru que c'était pour le grand public. Donc tout le monde s'est dit il va y avoir une personnalité importante. Moi le premier, parce qu'on me l'a dit. Et moi je l'ai relayé, et en fait on voulait parler de quelqu'un qui était dans les milieux bordelais ou dans le milieu bordelais, et voilà, qui était connu à ce moment-là et respecté. C'est pour ça, il faut en profiter aussi pour le dire aux gens qui nous écoutent, et je vais profiter de ta présence en tant que... Je m'adresse aux professionnels. Non mais voilà, toujours bien faire attention. Parce que même nous, on peut vous... se faire avoir, par exemple. Voilà, ce que vous entendez, ce que vous lisez sur Internet ou les réseaux ou machin, tout ça. Voilà, des fois on n'est pas à l'abri La question n'est pas là, c'est qu'il va falloir qu'il fasse attention à sa com, parce que sa com, depuis qu'il intervient, alors il a dit qu'il aurait, qu'il allait beaucoup investir, etc. C'est déjà une erreur de com, puisque tu dis pas, en rentrant sur les marchés financiers, j'ai du fric, donc vous allez me vendre vos joueurs chers. Regarde, Marc, on revient sur le président, parce que... Je parle de GACP et de Grossa, il va falloir, je dis juste, il faut qu'il fasse attention à sa communication, parce qu'à chaque fois qu'il parle, il en dit trop ou il se trompe. Thibaut. Et Clément, je répondrai aussi à Marc. Bah, c'est juste pour compléter le propos de Marc, bah, parce que c'est vrai que on parle beaucoup là de la vente, etc. Donc faut, déjà, il faut pas faire les hypocrites. La vente, elle va se faire, elle va être signée, il y a pas de problème. Et après, il y a effectivement le problème de la com de notre ami Joda Grosa, puisque enfin, on va pas faire la. Si on s'amusait, et ça serait peut-être un boulot à faire, hein, mais pourquoi pas, pour lui souhaiter la bienvenue, une rétrospective de toutes ces déclarations depuis qu'on sait que le processus de vente est engagé. Depuis 2 mois. On est quand même passé du chaud, froid, tiède, au très froid. Donc voilà. Et là, en plus, là, il y a des déclarations qui sortent maintenant où on apprend qu'il est déjà en train de bosser sur le mercato d'hiver, limite en train de promettre déjà des recrues. Donc voilà, faut faire attention. Je suis pas sûr qu'il maîtrise peut-être tout, parce qu'il s'adressait tout à l'heure, tu disais Clément, au microcosme bordelais, machin. Mais je suis pas sûr qu'il maîtrise parfaitement les codes, et surtout qu'il mesure l'impatience et l'exaspération des supporters. Et peut-être que nous on maîtrise pas aussi la façon de faire américaine. Je pense que ce n'est pas nous du tout qui maîtrisons pas la chose, qu'on soit supporter, journaliste ou peu importe, autour des Girondins de Bordeaux. Je pense que clairement là-dessus, ils ont un problème de connaissance du monde du football. Donc voilà, c'est des gens qui viennent du monde financier, d'une société privée, voilà, ils n'ont pas l'habitude du monde du football et notamment de la grosse langue de bois du monde du football. Voilà, il faut juste dire ce que c'est. Si tu dis que tu investis, tu peux me remettre mon micro, s'il te plaît. Allô. Voilà. Non, parce qu'on est en débat et tu coupes les micros. Non, autant pour non, Clément, oui, mais parce que j'ai parlé à Marc. C'est pas grave. J'ai parlé à Marc. Donc du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si. Donc Longue Épée, Monsieur Frédéric Longue Épée. Oui, mais donc, je voulais répondre. Non, mais pour finir sur ce truc-là, sur la communication des Américains, c'est des gens qui ne connaissent pas le monde du football, et donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, ils ont peut-être un déficit à ce niveau-là. Ça veut dire qu'ils ont tendance à dire tout et son contraire parce que justement, ils n'ont pas compris que en fait. À partir du moment où vous balancez un truc, c'est repris par des milliers de personnes, les réseaux sociaux s'en emparent aujourd'hui et tout ça. Ils sont pas si naïfs que ça, quand même. Mais au niveau du football, peut-être que si. Je veux dire, c'est des financiers à la base. C'est pas des hommes, des gens des médias. C'est pas, je veux dire, c'est pas tous ces gens-là. C'est comme quand on a reproché à Stéphane Martin de trop parler à la presse. Mais c'est parce que Stéphane Martin aussi, il vient peut-être pas là-dedans. Et donc, lui, il parlait gentiment à tout le monde parce que voilà, c'est quelqu'un de très ouvert. Mais des fois, il en disait peut-être un peu trop. Ça, je sais pas. Mais voilà, c'est des gens qui. Mais alors, est-ce qu'il faut s'en plaindre, ça, finalement? Alors, évidemment, quand il y a des bêtises qui sont dites, je rejoins Thibaut, là, il faut s'en plaindre. Mais finalement, il faut peut-être pas trop s'en plaindre parce que, justement, c'est des gens qui disent vraiment les choses. Bon, hier, malheureusement, ça tombe mal pour eux. Ils se sont encore un peu trompés parce que, évidemment, dans leur communiqué, ils ont pas expliqué que Stéphane Martin allait rester en poste jusqu'au 6. Bah. Donc, il y a des gens qui ont commencé à dire, c'est Stéphane Martin s'en va dès ce soir et après, tout ça. Après, est-ce que les gens sont pas un petit peu aussi, il faut tout leur dire aux gens? C'est pour ça, tout le monde est sorti et tout le monde leur a sauté dessus alors que après c'est juste une question de logique, évidemment. Évidemment qu'il allait pas arriver maintenant. C'est ça que je vois. C'est ça que pour rebondir sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Merci Marc. ça fait suite à ce que dit Clément, c'est-à-dire que effectivement c'est peut-être pas des gens qui sont qui ont la culture football européen, etc., etc. Et c'est aussi pour ça que le processus de décision du choix des hommes qui incarnent le projet girondin a pris du temps. C'est parce qu'ils cherchaient aussi, alors c'est la raison officielle, hein, mais voilà, ils cherchaient des gens qui étaient capables aussi d'incarner ce projet et d'avoir une connaissance parfaite de cette culture footballistique européenne qui leur fait cruellement défaut aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que le président Longue Épée, donc puisque c'est lui qui est Frédéric Longue Épée qui va tout être à fait. Choisi, a été donc choisi, deux fois choisi, c'est beau. Il a été doublement choisi. Il a été doublement choisi. À deux raisons. Ben justement, à deux raisons. La première raison, c'est que c'est un businessman, quelqu'un qui a évolué dans les dans le monde dans le du business. Donc il colle déjà à cette image de self-made man un peu américain, voilà. Et la deuxième raison, c'est que c'est quelqu'un qui connaît très bien le football français, pour avoir travaillé au Paris Saint-Germain, pour avoir côtoyé aussi des personnalités quand il est bossé à la Fédération française de tennis, si je me souviens ce mot. Et à la tennis, et il s'occupe aussi, il avait les fonctions de directeur marketing pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Donc, c'est quelqu'un déjà qui est compétent. Voilà. Oui. Et puis c'est ça qu'il faut dire, c'est que pour ce qu'on va lui demander de faire, puisque clairement il a été, il n'a pas été élu pour le sportif et il a peut-être même pas été élu pour être, pour incarner la présidence du club, mais il a été élu surtout pour développer le club et relancer, relancer peut-être le club. Et pour le coup, et même moi, par rapport au retour que j'ai sur cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est ultra compétent, très respecté dans ce qui se fait, dans ce qu'il fait. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui vient de nulle part. Bon, aussi pour le grand public, si, je peux comprendre qu'il vient de nulle part. Mais après, quand on lui demande, on va lui demander de développer le club, de faire toutes ces choses-là, de relancer le marketing, la billetterie, tous ces trucs-là, et ben pour le coup, je pense que même c'est une des meilleures personnes en France qui maîtrise ce sujet-là. Après, juste pour préciser, si on veut continuer à donner des conseils à GACP et à Dagrossa, on leur dit de vite se séparer de Varela. Si pour la partie sportive, il y a un mois. Après, bon, faudra voir. On sait vraiment qui est ce monsieur, franchement. Voilà, il y a beaucoup de fantasmes qui sortent sur ce monsieur. Voilà, il faudra voir aussi ce qu'il va mettre en place, parce que donc du coup il faut quand même savoir qu'aujourd'hui c'est le principal conseiller de Joe Dagrossa, qu'il faut pas être naïf, que ça changera pas du jour au lendemain. Donc voilà, après quelle importance il aura dans le club, ça je peux pas le dire aujourd'hui, mais il y a beaucoup de fantasmes qui sortent sur cette personnalité là parce qu'en effet il a quelques casseroles. C'était comme Vincent Tongong qui s'est présenté. Voilà, il y a des gens qui ont des réputations malheureusement qui jouent pas pour eux dans le milieu du football. Donc voilà, mais après il faudra voir ce que ça donne. Et là, Jean-Pierre Bernès. Voilà, non, mais faudra voir ce que ça donne sur le court terme, le moyen terme et le long terme. C'est tout. C'est des gens qui évidemment, on a une mauvaise réputation aujourd'hui, mais est-ce que finalement, ça sera vraiment ça? De toute façon, on est obligé d'attendre le long terme. Voilà, parce exactement. Que dans tous les cas, ceux qui arriveront. Alors, le long terme, oui et non. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas trop juger sur un mercato d'hiver. Dans une saison qui sera en transition. Mais dès ce mercato d'été, on va commencer à juger. Si le mercato. Et pourquoi on pourrait pas voir dès cet hiver? Parce que si le mercato. Quand ils vont arriver ici, Ricardo, ta carte blanche, tu dégages ce que tu veux dégager. Ça n'a rien à voir. Non, mais déjà, dégager un joueur, ça m'a fait toujours rire. Il faut qu'il y ait des offres pour que le joueur parte. Mais c'est façon de dire. Et ensuite, mais non, mais justement, le mercato d'hiver est un mercato fermé. Fermé où tu as du mal à acheter des joueurs parce que les bons joueurs jouent et que les clubs ont pas envie de se séparer à moitié de l'année de leurs meilleurs joueurs. Donc, à part des coûts en Amérique, je vois pas trop ce que tu peux faire. En ce qui concerne, tu vois, ou te faire reprêter un Malcolm, tu vois, par exemple. C'est ce genre de conneries que tu peux faire. Maintenant, en ce qui concerne le mercato, on va le voir en juin. Juin, on va voir l'investissement des Américains. On va voir quel réseau a le directeur sportif. Parce que le directeur sportif, il n'a pas besoin. Ça se met en place, mine de rien. Il n'a pas besoin. On a le président, le directeur sportif. Oui, mais il faut que. Non, on va voir s'il a soi-disant un si bon réseau que ça. Et on va juger les négociations, les prix de vente de nos joueurs et les prix d'achat de nouveau. Et qui c'est qu'on achète? Et pas se rater encore comme on a fait cet été un attaquant au mercato qui était au Brésil et qu'on a fait en juin qu'on avait à 8 millions et qu'on a fait attendre jusqu'au mois de juillet qu'on a fait attendre juillet où il était intransférable. Comment on va gérer? Est-ce qu'on va donner carte blanche à l'entraîneur? Tout ça, on va vite le voir. Là, il y aura plus d'incertitude, plus aucune. Bon, il y a une précision. Et puis, est-ce que on va garder Ricardo? Il y a quelque chose qui a pas été, que je vous ai pas précisé encore, et je trouve que, alors, c'est peut-être anecdotique, mais moi, ça me semble quand même important puisque, monsieur Longuepé, proche de Jean-Claude Blanc, qu'il avait rencontré, alors qu'il s'occupait de la billetterie, comme tu l'as dit, Thibaut, tout à l'heure. Non, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais c'est pas grave. Il s'occupait de la billetterie à la Fédération Française de Tennis, et surtout, il s'était attaché à développer la marque PSG à l'international. Et là, je peux vous dire que c'est plus que réussi. Alors, évidemment, il n'aura pas les mêmes moyens au Girondins de Bordeaux. Voilà, il aura mais pas, voilà. Moi, je vais juste citer un exemple, et c'est bizarre parce que c'est tombé comme par hasard ce week-end. Je sais pas si le hasard fait bien les choses, mais là, pour le coup, pour Longuepé, c'était Frédéric Longuepé, c'était plutôt pas trop mal. C'est que, par exemple, samedi soir, vous avez LeBron James, vedette mondiale du sport, qui arrive à son match de basket avec le maillot du PSG. Faut se rendre compte ce que c'est dans la représentation avec Jordan médiatique aussi. Et tout ça. Et je suppose que Frédéric Longuepé a notamment beaucoup œuvré sur le développement de la marque PSG en Amérique du Nord. Et en Amérique du Sud, je crois, en Asie, et on voit bien que bah quand même aujourd'hui, quand vous avez un LeBron James, alors évidemment le PSG aujourd'hui c'est on peut pas comparer, mais pour le coup, LeBron James pour le coup ça colle, et le mec il a réussi à faire ça quand même. Mm-hmm. Alors après évidemment il doit y avoir de l'argent, des choses comme ça, mais quand même le mec il a réussi à faire ça. Il a fait avec Jordan, on a vu Beyoncé, on a vu Jay-Z, voilà, le maillot du PSG. Après en termes de rayonnement, on sait pas ce que ça va donner, mais on peut être au moins sûr d'une chose, c'est qu'il est compétent. Ouais, voilà. Mais après, il y a des choses qui font que ce profil-là aujourd'hui est plutôt intéressant. Comme tu l'as dit Clément tout à l'heure, ça va être un président qui est plutôt technique, donc c'est pas lui qui va. C'est pas lui l'argentier. Hein, c'est même pas. Et c'est d'ailleurs le point faible du projet américain. Mais en tout cas, il amène. Alors, je sais qu'à l'intérieur du club aussi, il y a des compétences quand même. On en parle pas souvent, mais Jack Darrigo, qui est le directeur commercial et communication, qui est arrivé récemment, mais qui est arrivé de chez Nike, a aussi cette culture-là d'entreprise et cette culture de développer les réseaux, etc. D'ailleurs, il y a, à titre d'exemple, la nouvelle boutique du club des Girondins, Rue Sainte-Catherine, qui ouvre ses portes mercredi. Donc, Elle est toujours au même endroit que Oui, elle est toujours au même endroit, mais elle a été refaite. Enfin, voilà. Donc surtout qu'ils l'ont agrandi. Elle va être présentée Elle était quand même grande, elle était juste mal agencée surtout. Elle sera ouverte donc mercredi. Donc, ça fait partie. C'est déjà une première étape. Après, il y a. Évidemment, on va pas s'attendre à ce que demain LeBron James arrive avec le maillot des Girondins de Bordeaux à son match, mais s'il a pas les mêmes moyens, en tout cas, il a le carnet d'adresse. Voilà, il a les idées. Donc, pour moi, c'est déjà quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Après, on jugera évidemment sur pièce ce qui se passera, mais en tout cas, déjà, c'est plutôt intéressant. Reste à savoir après, et je termine là-dessus. Oui, vas-y. Parce que c'est bien d'avoir un homme comme ça, intelligent, qui a du réseau, etc. Avoir aussi quelle sera sa marge de manœuvre, quelle sera sa réelle feuille de route, et aussi les gens qui vont l'entourer. Parce que c'est pas quelqu'un, et c'est peut-être là sa principale faiblesse, si on veut vraiment analyser vraiment tout le personnage. Sa principale faiblesse, c'est qu'il ne connaît absolument rien des Girondins de Bordeaux. Chaque club a ses spécificités, qu'elles soient historiques, qu'elles soient locales. Le fonctionnement du club au quotidien, on peut le critiquer, etc. Mais ça tourne. Il y a une façon aussi de faire, etc., etc. Et je pense que la patte GACP, ils vont pas révolutionner mais, tout. Oui, voilà. Mais est-ce que justement un peu de changement, ça je le critique pas ça le changement. Ferait pas de mal. Je dis simplement justement, qu'il faut que la personnalité aussi colle avec les gens qui sont en place aussi. Tout à fait. Je pense que ça posera pas de soucis. Et sinon, la personnalité séparera des gens avec qui ça le fait pas. Il y a déjà eu du renouvellement. Ah, oui. Il y aura encore du renouvellement. Jacques Darrigo, il a déjà mis des choses en place avec ses équipes en recrutant des gens aussi. Oui. Je pense qu'avec les Américains, ils vont le faire. Avec Frédéric Longuepé, ils vont le faire aussi. Mais voilà, en plus, c'est des gens qui maîtrisent à peu près les mêmes domaines. Mmh. Donc, je pense que ces deux personnages-là seront quand même centrales dans le projet américain, dans le futur. De toute façon, les plus gros changements, je pense pas, comme Thibault le dit, seront au niveau administratif, tout ça, le club au quotidien. Le plus gros changement, ça va être dans la politique sportive. Ouais, c'est sportif. Voilà, c'est ce qui a amélioré en premier. C'est là où on verra le véritable changement et ce que vont apporter les Américains et quels sont leurs projets qui, bon, pour moi, ne ressemblera beaucoup à ce qui se fait à Monaco ou à Lille. Donc voilà, mais ça sera vraiment là que ça changera. Là, Frédéric Longuepé, lui, c'est plus un. Il vient mettre de l'huile dans la machine, on va dire ça comme ça, qui est un peu grippé depuis quelques années. Lui, il va essayer de mettre de l'huile là-dedans et il va essayer de relancer un peu tout le côté institutionnel, historique, développement marketing, économique, billetterie, bref, tout ça. Bordeaux. La marque Bordeaux. Je rappelle 0556 35 31 31 si vous voulez nous joindre pour réagir en direct à ce que nous disons. Si vous avez une question à poser à Clément Carpentier, 20 minutes, bonsoir. Oui. Non, parce que justement, j'ai une précision à donner, parce que du coup, on va sûrement pas tarder à refermer le ouais, chapitre. Ouais, je voulais préciser deux, trois petites du président. Phrases, bah, je t'écoute sinon, mais c'est parce que non, c'est juste la réaction de monsieur Longuepée, puisqu'il a. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. Juste pour préciser, alors il a rien dit de transcendant et d'extraordinaire, bah, mais voilà, je remercie d'Agrossage et ACP pour la confiance qu'ils me témoignent en me confiant blablabla. Il s'agit d'une magnifique opportunité, d'un beau défi dans un club historique du football français au riche passé européen et qui nourrit de belles ambitions pour l'avenir. Je suis impatient de démarrer cette nouvelle aventure dans une ville magnifique au rayonnement et potentiel résolument internationaux. Donc, bien sûr. Après, ça va, voilà. Pas dire le contraire. Il faut savoir, puisque une précision quand même, que actuellement, il occupe des fonctions donc administratives au comité d'organisation de Paris 2024, qui sont les Jeux Olympiques d'été, et que donc du coup, il est encore sous contrat, ce voilà, monsieur. Hein, donc, et c'est d'ailleurs ce que Clément donc, explique dans son article, ouais. Très bien. D'ailleurs. Et l'anecdote qui est quand même très marrante dans cette histoire, c'est que c'est Joe d'Agrossa qui va être président par intérim. Je pense qu'à mon avis, alors, il le voulait oui, surtout alors, pas. Je comprends pas ça, puisqu'on nous dit que monsieur Longuepée, il prend ses fonctions le 6. Non, mais il ne prendra pas ses fonctions le 6. Il prendra ses fonctions, allez, on va dire, peut-être au mieux, ça devrait être mi-novembre, on va dire ça comme d'accord, ça. Okay. Parce qu'il faut qu'il négocie son départ, tout simplement, et je pense qu'on peut, un organisme comme le COJO, on peut pas le quitter du jour au lendemain. Voilà, c'est un truc public. Normalement, t'as interdiction. J'ai travaillé ça. Normalement, tout ce qui est olympique, t'as pas le droit. Comment ça, t'as interdiction? Normalement, normalement, si tu t'intègres dans une organisation comme celle-ci, en fait, soit tu dois prévoir à l'avance que tu vas peut-être quitter, et à ce moment-là, c'est accepté ou non. Sinon, si tu t'intègres dans une association comme celle-ci, en fait, t'es obligé de, d'avoir une vraie raison. Moi, j'ai une question quand même. Pourquoi on peut rien faire dans ce club sans qu'il y ait toujours un truc? C'est-à-dire que tu prends un coach, tu vois, mais tu peux pas, il peut pas être sur le banc. Là, tu prends un président, mais non, il mais peut pas ça, quitter son ça, ancien c'est, truc. Ça, c'est quand on même non mais, simple, le truc, non mais le truc du coach, c'est je suis d'accord, c'est d'accord. C'est juste scandaleux au niveau de la. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, quand tu le prends, tu le sais. Oui, mais et on va te faire chier. Justement, on le sait. Justement, bah moi, normalement, tu dois espérer. Là, tu prends un mec. Tu le prends, t'espères qu'ils vont accepter quand même. De toute façon, moi, ce que devraient faire les Girondins de Bordeaux, c'est qu'ils devraient envoyer Ricardo en conférence de presse ou le mettre sur le terrain debout. Moi, franchement, je peux vous dire qu'au bout de deux matchs, la LFP lui dirait, je lui dis à Ricardo, vas-y, on les paye. J'ai une question pour ça, Clément. Ricardo, il a autant le droit que Bedoué d'aller en conférence de presse. Il a un contrat de dirigeant. Il a un contrat de dirigeant. Ah ouais, mais exactement. Donc même si par exemple la personne gérant Polcom ou je sais pas quoi, il veut faire ça, il a pas le droit. Non. Il a un contrat de cadre dirigeant et donc il peut pas. Ne peuvent accéder aux conférences de presse président, et au directeur et que à l'entraîneur qui est écrit sur la feuille du match officiel, entraîneur et Eric après Bedouin. Il peut très bien dire demain je convoque bien sûr et faire une conférence de presse à oui, titre de dirigeant. J'aimerais bien l'entendre un petit peu moi quand même Ricardo parce qu'il a interdiction de parler. Il a interdiction de parler. Par le club. Même à vous en off. Ah non, en off, je sais pas. Moi, c'est pas quelqu'un que avec qui j'échange, Ricardo. Donc voilà, parce que déjà, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. C'est plutôt quelqu'un qui influe quelque chose au niveau de son charisme, que ça soit avec son équipe ou même, je dans pense, avec, dans, même avec les gens dans ses relations. Et non, mais après, il a interdiction par le club de parler. Donc c'est très compliqué. Donc, question. On vous a vu, Martin, depuis que Ricardo est arrivé en conférence de presse. Comment? Vous avez vu Martin en conférence de presse depuis que Ricardo est arrivé? De toute façon, Stéphane Martin n'a pas à être en conférence de presse déjà. Il a à être à la limite en zone mixte d'après-match. Il a envie de faire une déclaration par rapport à un résultat. Je veux dire, vous n'avez pas eu l'occasion de lui demander pourquoi le club faisait autant la soumise avec la LFP. Je lui ai pas demandé à Stéphane Martin. C'est vrai, ça voudrait poser la question. Non, mais c'est vrai, le club va pas au carton pour son coach, quoi. C'est vrai que c'est possible. Après, ils ont essayé, ils ont demandé des dérogations. Pas est-il que c'est en cours. Voilà, ils vont vous répondre ça, le club. Ils vont vous dire, il y a des dérogations. Validation d'acquis. Voilà, donc on va aller. Ça prend 2 ans. On va prendre Ricardo et on va aller voir s'il y a des acquis. Je t'explique que je suis président. Ricardo, il se met debout tout le match, parce qu'il a envie de s'asseoir, il a le droit. Et il fait tous les coins. Et évidemment, je l'ai payé. Et si jamais il y a une problématique à LFP, parce que c'est bien mignon, hein. Tu sais, les coachs qui viennent tirer la main de Ricardo. Par précision, c'est pas la Ligue, hein. Oui, c'est pareil. Mais si la Ligue, elle a envie de faire un doigt d'honneur à Luc Nekatev en disant, on mettra pas d'amende aux Girondins de Bordeaux, et ben c'est pareil, Nekatev, ils font, Ben non, parce que c'est les non, textes. Mais c'est... Ah, mais faut arrêter les tests, mon cul, les tests. Pour refermer le chapitre du. Une minute, paye une amende et c'est cool. Une minute, après, on passe à Nice. Juste pour refermer, du coup, puisqu'on était sur le président, je pense qu'il y a une chose qui est assez intéressante à analyser avec ces nominations qui vont arriver au fur et à mesure des semaines, ou en tout cas, bon, il y a maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Avec celle du président, il y aura celui du directeur sportif. C'est sûr pour le directeur sportif encore? Non, il y aura, c'est pratiquement sûr pour le directeur sportif. Voilà, exactement. Et pour le. Le formateur de Mbappé aussi. Ah oui, alors le formateur de Mbappé. C'est lui, on a entendu parler au tout début, et après. Moi, je n'ai pas d'informations. Oui, ça doit être peut-être sûr. Donc, là-dessus, donc ça doit être plus ou moins sûr. Après, je ne sais pas alors, quel rôle il aura exactement. Ça, moi, il y a un conseiller sportif, visiblement. Clément, je ne le connais pas, ce monsieur formateur de Mbappé. Peut-être tu le connais. Non, pas du tout. Je ne le connais pas du tout. Franchement, que les mecs nous disent. Bon, ok, il a sorti Mbappé, mais moi j'aimerais ce qu'on me dise. En plus, ce n'est pas ça. C'est sur pas... le 1 Mbappé qu'il a sorti, combien de centaines il en a sorti? Il a entraîné après. Non, non, mais après, ça c'est pas. Bon, mec, il a eu de la chance, il est tombé une fois sur Non, il entraînait les jeunes. Il entraînait les jeunes de Monaco. Donc sur les 5 dernières années, les jeunes de Monaco, c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est ça. C'est quand même une base. Non, mais pour revenir, moi je voudrais ajouter une chose sur le président, et puis après je vous laisserai discuter. C'est juste que moi, pour moi aujourd'hui, il se pose un problème dans l'organigramme des Girondins de Bordeaux. C'est la personne qui va incarner le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils mettent un président donc technique, ils vont mettre un directeur sportif espagnol sûrement qui voilà fera peut-être fera très bien son boulot ou pas du tout, je sais pas, ça je vais pas juger, mais qui connaît pas l'histoire non plus du club. Pour moi il y a un vrai problème de présence, de charisme, qui va représenter le club. J'en discutais ce matin avec une personne qui est très très près du dossier de la vente des Girondins de Bordeaux et qui me disait notamment, qui me soulevait ça, c'est on me disait il y a eu pendant toute une époque Claude Béz, voilà, personnalité qu'on ne présente plus. Après, on peut penser ce qu'on en veut, mais il y a eu quand même pendant 21 ans, je crois, ou non, peut-être un peu moins, Jean-Louis Triot, qui était quand même une personne aussi qui représentait le club, qui incarnait quelque chose. Le flou entre-temps. Aujourd'hui, on se demande, Stéphane Martin, il a été mis là, il en est, le pauvre Stéphane Martin, il a essayé de s'en sortir comme il pouvait, enfin, il a dans une, ce marasme. Il a une culture club qui est extrêmement précise. Même, je défie Sikiki, je pense qu'il vous qu'il bat. Qu'il prend au quiz, exactement. Moi aussi. Faudra l'inviter, défense. Puisqu'il va plus être présent, il pourra venir. Et en plus, c'est quelqu'un de très ouvert pour le connaître, et du coup, c'est à son contact, on va passer par toi pour rentrer en contact avec lui. Laissez-le tranquille déjà finir ce, parce que je pense qu'il est complètement épuisé, qu'il a qu'une envie, c'est d'enfin rentrer chez lui. Donc voilà, mais juste pour moi, je soulève cette remarque, c'est qui va incarner le club. Alors, au niveau médiatique. La question. Je sais qu'il y a un projet. Oui, voilà, il y a Ricardo, mais le problème c'est que Ricardo, il ne parle pas, et qu'il y a un projet avec les anciens qui est dans les placards et qui n'a plus qu'à sortir du placard entre guillemets. Mais je ne sais pas du tout les contours de ce projet. Les anciens. Donc, il faudra voir. Si c'est Trésor, avec tout le respect que j'ai pour Trésor, Baptiston. Ok, mais non, à un c'est moment plutôt donné, un ancien qui est très très apprécié ici. Je la fais autrement. La représentativité du club par une figure ou autre, depuis 10 ans, ça nous a pas fait gagner. Donc j'en ai rien. Mais c'est important. C'est quand même important. Et c'est important. Oui et non. Surtout quand si les résultats viennent, si les résultats viennent, eh ben on à longue épée, on lui fera une statue. On attendra qu'un mec vienne la retirer de la roche. Et point barre. Ouais, c'est la référence maladroite. Et le mec, ça fait quand même une heure et demie qu'il prépare la vanne. Non, la préparez pas celle-là. Non, mais j'ai envie de dire, c'est les résultats qui feront. C'est les résultats qui ont fait Claude Pez. Non, Claude Pez, pardon. Mais ouais, j'arrive plus Claude ça Pez, maintenant c'est avec. C'est plus. C'est les résultats. C'est les résultats qui ont fait Claude Pez aussi. Voilà. C'est les résultats qui ont fait Jean-Louis Triot et aussi les problématiques et les conflits, et ça sera la même chose. Martin peut-être, a pas peut-être. Duré assez longtemps pour que ça soit une figure. Maintenant, peut-être qu'il aurait pu Baptiston, devenir. Baptiston, machin, bidule. J'ai envie de dire aujourd'hui, ils sont toujours au club et ça fait que dalle. Et moi, j'aimerais bien qu'ils nous sortent des bons joueurs, Baptiston, plutôt qu'être allez, la figure du club. On va terminer. Il reste 10 minutes. Je cherche beaucoup quand même. Il reste 10 minutes d'émission. On va terminer. Mal, musique qui fait peur. De toute façon, voilà, dossier à suivre évidemment. La suite au prochain épisode. On en parlera. Voilà, évidemment, dans les prochaines quel émissions. Sacré numéro. Ça, il doit y avoir de toute façon, ça fait 3 mois que c'est conférence de presse début novembre de Dagrossa. Exactement. Donc c'est Dallas depuis le mois de juin. Donc on suit tout ça, voilà, dans chaque émission. Avril, tu veux dire. Grâce aussi aux contacts qu'on a avec, notamment, entre guillemets, Clément Carpentier et puis d'autres amis journalistes. On vous tiendra au courant, évidemment, de tout ce qui va se passer. Musique qui fait peur. Voilà, musique qui fait peur. Et puis alors, hier, elle faisait bien peur. Elle faisait bien peur, la musique hier. Elle faisait froid, elle faisait du vent, il faisait 4 degrés, il pleuvait, il y avait du vent. C'était pas un match de dingue, loin de là, Bordeaux s'est incliné. Donc, face à l'OGC Nice, 1-0, un but de William Cyprien à la 54e minute sur une passe d'Alan Saint-Maximin. Bordeaux a eu la possession, Bordeaux a tiré deux fois plus que Nice, Bordeaux a cadré une première quatre fois 2006. Plus, voilà. Bordeaux a cadré quatre fois plus de tirs que son adversaire du soir, mais Bordeaux a perdu 1-0, manque de réalisme. Manque d'inspiration peut-être ou réussite offensive, je cherchais mes mots. Là où Nice a eu quand même quelques opportunités, mais au final que deux tirs cadrés, dont un qui finit au fond. Je sais pas qui veut se lancer, Clément, si t'as vu le match ou si t'étais au stade ou devant ta télé, je sais pas. Oui, bah malheureusement, le match, je l'avais déjà vu jeudi et je l'avais déjà vu aussi contre Copenhague. Voilà, donc, j'ai envie de dire, est-ce que j'allais t'amener là-dessus, est-ce que c'est pas un peu la copie conforme de Copenhague et de Zénith où tu dois pas perdre, théoriquement, mais tu perds? Ouais, bah c'est ça le problème un petit peu, parce qu'en fait, en plus, quand ça arrive une fois, il y a toujours une excuse valable, le manque de réussite ou ce genre de choses. Quand c'est répétitif, bon, bah faut commencer à quand même regarder ce qui se passe, et surtout, il y a forcément une explication. Bon, hier, vous allez me dire, les Girondins tapent encore la barre. Donc voilà. Mais bien, moi j'ai pas trop qu'on fait un moi je trouve qu'on a fait un très enfin ben moi je suis totalement pas d'accord, on va dire, avec les gens qui disent que c'est nul, parce que moi au contraire, depuis le début de la saison, je trouve que le fond de jeu des Girondins de Bordeaux est plutôt, même quand c'était encore Poyette et avec Ricardo qu'on a taxé d'entraîneur défensif, moi je trouve que le fond de jeu, en tout cas tout ce qui se passe au milieu du jeu, au milieu de terrain ou même derrière ou même devant, je trouve qu'il y a une bonne animation offensive, mais il y a un problème de tueur en fait. Il manque un tueur dans cette équipe, tout simplement, et parce que malheureusement Jimmy Briand n'est pas un vrai numéro 9. Cornelius n'est pas tout le temps là, pourtant il fait beaucoup de bien, mais malheureusement il arrive pas à la mettre au fond aussi, c'est ça qu'on lui demande, même s'il fait beaucoup de bonnes choses, il la met pas au fond. Donc ça joue aussi. Et puis après il y a des joueurs qui sont en réussite pendant une période, qui le sont moins aujourd'hui, comme Camano, voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il faut travailler le dernier geste quoi, parce que comme dit Eric Bédoué hier, vous pouvez pas centrer comme il centre sur ce match-là. Je veux dire, Kalou, il a passé son temps à alors Kalou est un super joueur. Il arrive déjà à centrer, ce qui est déjà une bonne chose, ça veut dire qu'il a éliminé son défenseur, mais le gars, il centre et c'est toujours sur la tête de Dante quoi, pendant 90 minutes. Donc à un moment donné, il y a un problème. On a commencé à jouer à la 54e. Le problème, il est là. C'est qu'on commence à jouer, qu'on a pris un but. En première mi-temps, Costil fait 3-4 après, parades. T'as une équipe en face aussi, hein. Non, mais... Il n'y a pas joué le jeudi aussi. Non, mais on a joué en marchant. Enfin, Sankaré, je le vois marcher depuis 6 matchs. Il a un totem d'immunité, ce mec. Non, mais Sankaré, il faut être. Il faut qu'il dégage. Non, moi, j'ai pas 5 minutes, merde. Il faut qu'il. Je suis pas du tout d'accord sur l'analyse. Non, mais. Pour le coup, hier, il marche. Peut-être que pour le coup, hier, mais il faut regarder tous ses matchs. Il faut pas regarder juste un match. Hier, il marche. Donc contre voilà, Copenhague, tout. Il marche. D'ailleurs, sa réaction à la fin du match, quand le mec te vient fustiger tout le monde, alors que lui aussi, il a la caméra au point. Contre le match qu'on a fait jeudi, il marche. En ce moment, il m'énerve tellement que je regarde ces matchs en me disant c'est pas possible. Le problème, c'est que c'est le seul équipe, c'est le seul gars qui est capable de mettre des buts dans l'équipe à part Camano. Sur Sankaré, puisque comme Cyril pour Costil, je pense que t'es tellement maintenant dans la détestation que t'es pas capable de. Seb, je suis désolé. Au stade, à chaque fois, je te fais les remarques. Et moi, Camano, je te le montre. Et je vous la fais la copie. Alors, non. Lyon, c'est un gros match. Il va peut-être courir. Mais jeudi, il remarchera. Il fait que ça en ce moment. Ça fait 6 matchs. De toute façon, vous pouvez pas y aller. Sankaré, ça serait bien qu'il arrive à faire des contrôles et des passes et que l'ensemble soit cohérent. Il faudrait qu'on arrive à faire un centre. Il faut qu'on arrive à tirer parce que les tirs, ça a quand même été des passes. On a concédé masse d'occasions. Le but qu'on prend, c'est quand même une blague. Qui lâche Attends, le marquage? Je vais le revoir. On lâche le marquage comme des poussins. Je vais le revoir. On prend les buts. Tous les buts qu'on prend, c'est sur des erreurs grossières. Pablo, je trouve qu'il fait un des. Non mais c'est pas Pablo qui lâche le marquage. Le marquage, il est au milieu. C'est Otavio ou Lauragueur qui lâche le marquage. Alors l'action, elle part côté droit. Donc, à la base, non, mais c'est pas ça, c'est pas radiophonique. Donc regarde et tu verras qui c'est qui lâche. C'est soit Lauragueur, soit Otavio. Juste en fonction du nom et de la position du joueur adverse. On fait des erreurs grossières à chaque match. On fait des passes en touche. La seule chose qui fait aspirer qu'on n'a pas vu un trop mauvais match, c'est que Nice est aussi nul que nous. Et contre Montpellier, on a vu un match pourri, mais Montpellier était aussi nul que nous. Et arrêtez, on n'est pas bon, c'est pas des matchs de foot que je vois en ce moment. Et si vous vous contentez à dire que Bordeaux a bien joué, Mais Bordeaux sera comme les années précédentes, 8e, 6e. On ira en Europa League et on comprendra pourquoi au bout de 3 journées, on en a 0. Alors, parce que celui qui vient m'expliquer que jeudi dernier, c'était pas mérité, arrivé un moment dans le football, quand tu fais des erreurs comme ça, 2 matchs de suite à 5 minutes de la fin, tu mérites pas d'être en Coupe d'Europe. On est plus près du niveau du 10e de Ligue 1 que d'un joueur, que d'une équipe capable de jouer l'Europa League. Pour répondre à ta question, c'est Otavio qui lâche, c'est Koundé, qui lâche sur Saint-Maximin et Otavio sur Cyprien. Oui, monsieur Enzo, on vous a pas entendu encore. Alors moi, enfin, je suis pas du tout d'accord avec Marc. On perd encore. Hein. Oui, bien sûr, on perd. Alors ça c'est sûr. Mais moi, pour moi, il y a un point surtout qui est primordial, c'est Cornelius. Cornelius, je trouve qu'il a fait une rentrée. Dès qu'il est rentré, ouais. Je sais pas si t'as vu. En fait, à Bordeaux, ça fait des années qu'on n'a pas d'attaquant. Mmh. Après, bon, si tu veux redescendre encore plus loin, t'en as. Mais là, t'en as pas. On n'a pas d'attaquant. On a juste des ailiers qui sont capables de marquer. Là, t'as depuis Diabaté. Oui, voilà. Même Laborde. Même Laborde niveau stade, c'est pas incroyable. Mais là, t'as un mec comme Cornelius. En fait, il ouvre tout le jeu parce qu'en fait, il est tellement imposant physiquement. Mmh. Et après, il est tellement imposant qu'en fait, il va te griller 2-3 défenseurs. Mmh. Et après, c'est là où t'as l'espace. C'est là où t'as vu Caramo quand il est rentré. Il était presque numéro 10. Il faisait que repiquer pour essayer de faire des frappes. T'es avec Amano, t'es avec Alou. Ils tentaient tous. Après, c'est un mauvais choix. Par contre, moi, je pense au niveau de Ricardo et de Bedoué de titulariser pour la deuxième fois d'affilée, que ce soit contre Montpellier ou contre Nice, brillant tout seul en pointe avec 5 défenseurs. Il pouvait pas titulariser Cornelius. Cornelius était blessé à Montpellier et là il revenait de blessure. Mais moi je parle pas de Cornelius forcément, mais tu vois, mais par exemple mettre un Caramo ou un Depréville qui tourne autour de Depréville. Tu déséquilibres ton équipe, ils ont trouvé un équilibre d'équipe aujourd'hui qui joue en 4-3-3 comme depuis ces dernières années. Ça c'est parce que là on est en train de débriefer parce que ils ont perdu 3 matchs en une semaine. Il y a vraiment un match sur les 3 qui est complètement raté, c'est à Montpellier. Sinon le match au Zénith et contre Nice, ça peut basculer de ton côté à n'importe quel moment. Et avant, ils étaient sur une série de 5 matchs sans défaite et ils avaient remonté au classement. Donc c'est pas parce qu'ils ont perdu 3 matchs d'un seul coup qu'il faut tirer à boulet rouge en disant il faut remettre ce joueur là, il faut changer de tactique et tout ça et tout quoi. Franchement, quand je vois des matchs comme hier, je suis Ricardo, mais moi je dis, mais je change rien. Maintenant, je vais juste voir au prochain match. Il faut juste que les gars, on la mette au fond. Ouais, quoi. C'est juste ça. Il faut quand même aussi un petit peu plus, quand même, moins d'erreurs techniques et un petit peu plus aussi de précision dans certaines transmissions. Évidemment. Le souci qu'il y a, c'est que moi, je suis absolument. Enfin, je suis assez révolté de ce que j'ai vu hier, quand même. Le problème, c'est pas l'engagement, c'est pas je pense que l'équipe a fait ce qu'il fallait à ce niveau-là. Après, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, quand on aligne ce 4-3-3 qui est pour moi infâme, mais bon, je suis complètement d'accord. On fait avec ce qu'on a, donc on prend part du postulat que on est en 4-3-3. On joue pas en 4-3-3 parce que Sankaré, il joue numéro 10. Il joue numéro 10, voire 4-3-3 défensivement, 4-2-3 offensivement. Oui, bon, voilà, d'accord. Donc, quand on part de cette idée-là, on part déjà dans l'idée que si on a ligne brillante devant, déjà, on joue à 10. Clairement, est-ce que c'est pas un vrai attaquant? Le problème, c'est pas une question qu'il est mauvais ou il est pas bon, c'est pas un vrai attaquant. Et si vous me laissez aller jusqu'au bout pour expliquer, je vais expliquer. On joue à 10. Pourquoi? Parce que Briand, si on regarde sur les 60 minutes qu'il a joué dimanche, on s'aperçoit de quoi? Qu'il passe 70% de son temps entre Sankaré et les ragueurs. Voilà. Il passe 80% de son temps à ce niveau-là. Oui, mais c'est qu'il y a un problème aussi, peut-être au milieu de terrain. Le problème, lui, il est obligé de redescendre pour chercher les ballons. Effectivement, c'est là où je voulais en venir. C'est que si Briand est appelé à décrocher sans arrêt, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien au milieu de terrain. Mmh. Et qu'il y a des joueurs, et notamment, et c'est là où je suis d'accord avec Marc, notamment Sankaré, qui ne remplit pas son rôle, qui remplissait très bien sur Gourvennec. Tiens, c'est bizarre, mais qui remplit plus depuis quelque temps maintenant, à savoir ce rôle de piston et de force de projection dans la surface, qui en faisait quasiment un deuxième attaquant. Et le deuxième problème qu'a Bordeaux, pour n'en citer que deux, c'est que Bordeaux a une dépendance extrême à ses deux ailiers. Mmh. Aujourd'hui, et c'est le sens de la conférence de presse de Bedoué et de la déclaration, parce que moi j'occulte l'arbitrage, hein, c'est pas une question, pour moi c'est pas la question. La seule chose qui est intéressante dans, sur son match, quand il dit que l'arbitrage, machin, oui, bon, ah, okay, oui, bon, ça explique, c'est pas sur ça que tu perds le match. La seule chose qui est intéressante dans sa conférence de presse après match, dans son analyse, c'est de dire qu'effectivement, les centres des deux ailiers sont très mauvais et qu'on a une tendance aujourd'hui et que c'est Camano et Kalou ont une tendance à être beaucoup plus égoïstes qu'ils ne l'étaient avant, à tenter beaucoup moins de choses collectivement. Et il y avait des choses qu'on a soulignées ici, l'entente entre Palencia et Kalou qui était qui était quelque chose qui était bien au départ. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, moi dimanche, j'ai encore revu le match aujourd'hui. Combien de fois Palencia a fait des courses dans le vide? Combien de fois Palencia aussi a été oublié par Kalou alors qu'il pouvait décaler sur le côté, etc. Kalou a préféré soit la frappe, un bon match, hein, soit repiquer à l'intérieur, soit frapper au but. Et la même chose de l'autre côté. On a une Camano-Kalou dépendance qui est aujourd'hui trop importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des joueurs, et je termine là-dessus. Et Ottavio. Ottavio est un peu moins bon ces derniers temps. Un peu moins d'activité à la récupération notamment, ce qui est aussi handicap encore plus notre milieu de terrain. On a une dépendance à ces deux joueurs-là parce que on a des joueurs qui font pas le travail, clairement, aujourd'hui. Et des joueurs qui sont normalement censés être notre avant-centre brillant, après on peut en penser ce qu'on veut, mais qui passent plus de temps sur les lignes du milieu de terrain que à la pointe de l'attaque. Et le jeu de Cornelius est très intéressant, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu l'aligner plus souvent, parce que c'est un joueur qui a du gabarit, qui apporte quelque chose. Et je peux vous dire que dans la charnière Dante, Jallet et le troisième larron que j'ai oublié, Malanza a beaucoup souffert en fin de match. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs à ce moment là où Bordeaux a été beaucoup mieux, puisqu'a pu jouer beaucoup plus haut sur le terrain aussi, parce que Cornelius, avec cette activité de Caramo qui lui tournait un petit peu autour, C'est, je pense, le jeu préférentiel de, et c'est sur ces forces-là qu'on doit s'appuyer. Mais le problème, c'est que voilà, Cornelius, il est pas forcément non plus toujours à 100% physiquement. Non, mais après, on jouait une équipe qui fait quand même pas un bon début de saison, quoi qu'on en dise. Moi, j'ai des questions, je me pose. On a relancé Ottavio, on peut en relancer d'autres. C'est pas après un tabou. On conclut, Marc. On jouait le 14e de Ligue 1, qui a pris 14 buts depuis le début de saison. Et qui en marque pas beaucoup, surtout. Qui en marque pas beaucoup, puisqu'il en a marqué que 7. Qui a perdu 5 fois, qui était quand même pas l'équipe qui se déplace le mieux de Ligue 1. Hein, juste comme ça au passage. Donc. Ah si. Pour le coup, c'est une des meilleures équipes en déplacement du championnat. C'est une des meilleures équipes. Et quand tu dis que c'est une équipe moribonde, ou en tout cas qui n'est pas très en forme, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une équipe qui a été gagnée à Lyon et qui la semaine d'avant devait mettre 3-0 à l'OM. Donc oui, mais moi je veux bien qu'on dise que c'est une équipe qui est moribonde et tout. Dans le jeu, Nice c'est en dessous encore de ce qu'elle est capable de faire. Ces derniers matchs, c'est 12e de Ligue 1 quand même. Franchement, les matchs qu'ils font, je les trouve pas fantastiques, mais ils ont beaucoup d'occasions sur ce match-là. Il y a un problème énorme au milieu de créativité. Parce que Ottavio est pas créatif, le Garré est pas créatif, donc si Sankara a décidé de pas jouer, il y a plus personne au milieu. On en tient à nos ailiers. Kalou, à un moment, il va falloir qu'il arrête de faire 40 touches de balles par match. Moi, je trouve, au contraire, sur ce match-là, il y a plein d'enseignements à tirer. Pour moi, Kalou est devenu le niveau 3 sur les trois ailiers qu'on a. Pour moi, on peut pas jouer seul en pointe avec Briand, mais ça, on le sait depuis très longtemps. Avec Briand ou avec d'autres, hein, parce qu'avant, on a eu Laborde, on a eu Salah, on a eu Crivelli, il faut un mec, parce que, alors, le problème, c'est que il y a que Cornelius qui peut jouer dans ce rôle-là, à condition qu'on balance pas des parpaings pendant 90 minutes, et Bordeaux s'est mis à jouer quand on a pris un but. Les occasions franches de Bordeaux et réelles arrivent après l'ouverture du score. Mais c'est problématique de devoir en voir prendre un à chaque fois pour se mettre à jouer. Parce que je suis désolé, encore, je viens de regarder le résumé du match. Les occasions, elles sont niçoises au début du match. Il n'y a que les matchs où tu ouvres très vite le score, comme Nantes, comme je sais plus. Oui, où tu as un maximum de réussite. Où très vite tu plies le truc, tu arrives à te mettre à l'aise. Il y a quand même aussi autre chose qu'il faut prendre en compte. Alors, on a joué jeudi, mais c'est si jouer tous les trois jours, c'est déjà un problème. Pour moi, c'est pas une excuse, parce que on nous répète suffisamment que l'enchaînement des matchs permet d'effacer les désillusions collectives et individuelles. Mais effectivement, quand on regarde un petit peu quand tu parlais tout à l'heure de problème de créativité, mais quand on a fait rentrer quand on a fait sortir et Sankaré et Otavio, qu'on est passé dans un système plus offensif avec quand même 4 joueurs offensifs, ce qui est quand même un truc ouf avec Ricardo, hein, quand même. Après, Sankaré était positionné haut. Hein. Oui, oui, non, mais d'accord, mais Sankaré est sorti. C'est Sankaré qui est... Non, c'est Lerner. C'est Sankaré. C'est Sankaré qui est sorti. Logiquement, remplacé par Caramo. Voilà, remplacé par Caramo. Donc tu te retrouves avec Cornelius, Caramo, Camano et Kalou, 4 joueurs à vocation offensive, et de suite. Et je suis désolé de le redire encore une fois, mais pour moi, Cornelius, même si c'est pas un buteur, même si il a des problèmes de coordination avec ses pieds, etc. Mais dos au but, et quand il est allé chercher les ballons, ouais. Dante, il touchait plus un crayon à la fin du match. Non, mais clairement, clairement. Donc il y a quand même un problème. Alors il bénéficiait peut-être aussi du travail de Briand pendant une heure. Ouais, peut-être. Mais Clément tout à l'heure nous parlait de problème d'équilibre. Je termine vite fait là-dessus. Problème d'équilibre que Ricardo avait trouvé un équilibre dans sa composition d'équipe. Et moi, je suis pas totalement sûr de ça parce que justement, analysons le début du match des Bordelais. Ils subissaient le pressing niçois et ils subissaient aussi sans Pablo. Je pense que derrière, on était mené 2-0 facilement à la mi-temps. Clairement. Donc, je pense qu'il y a au contraire un trop grand déséquilibre dans cette équipe. Et que le milieu de terrain aujourd'hui, à force de concentrer que des joueurs à vocation défensive et pas d'instinct créatif ni quoi que ce soit, je trouve que c'est pas la bonne solution. Et à mon avis, on n'est pas parti pour guérir ça de suite. Moi, j'ai juste une question à poser. Finir, il faut que les arbitres arrêtent de mettre des jeunes pour gain de temps. Parce que si tu mets un jeune pour gain de temps, tu as le droit d'en mettre un deuxième. Mais ça s'est jamais vu. Oui, mais oui, je sais. Ou alors c'est pour ça qu'il est débile. Moi, je proposerais un truc, c'est carton jaune et coup franc indirect. À l'endroit où se trouvait le gardien. Ça calmerait déjà certains, je pense. Ah, ça calmerait un bon paquet de monde, oui. Ça calmerait déjà certains. Après, c'est le jeu. Hein. Non, mais personnellement, les Niçoyens, en dehors de Benitez, quand c'est les Girondins qui le font, tu vas dire, c'est super que Costil, il fasse un peu faire son lacet. Quand les Niçoyens, il restait 3 minutes à chaque contact. Non, mais ça, j'ai pas de souci là-dessus. Il reste par terre, j'ai envie de dire que c'est le jeu. Mais tu sais, ce qui me dérange, c'est l'arbitre qui met à la 65e un carton jaune au gardien pour gagner le temps. Et mec, tu mettras pas le deuxième. Qu'est-ce que ça change? Si ça peut changer parce que s'il y a une faute dans la surface, voilà. Il peut prendre deuxième tu jaune mettras et pas tu le deuxième finis, sur gain de temps. Ouais. Tu mets un face à face, t'arrives, ouais. Le mec il se fait faucher. Ah oui. Déjà que quand il y a eu face à face, la vidéo ils savent plus l'utiliser. Allez, on va conclure là-dessus. On passe. Il y a un maillot à gagner, s'il vous plaît. On passe au maillot. Alors, j'ai pas le petit jingle roulement de tambour. Je m'en fasse un. Voilà, roulement de tambour. Ouais. Enzo. Alors déjà, tout d'abord, je dis ça moi-même, mais je pense que c'est le cas. Putain, on te fait le roulement de tambour. Allez, vas-y. Non, mais t'inquiète, mais au début, tu sais, quand tu dis un résultat, faut toujours faire chier le monde un peu. Et mais t'as raison. Donc, juste un petit mot, c'est pour vous remercier tous. Le résultat, c'est vendredi. Après la pub. Non, en tout cas, je comptais vraiment vous remercier à tous de nous suivre sur les réseaux sociaux. On était à peu près 4000 en juillet, on est 5500 presque. Wouhou. Et aujourd'hui, pour vous remercier, on a le hashtag 5K pour GA était 27e top tweet Aquitaine, enfin de région. Donc c'est quand même énorme. Il y avait 607 participants. Non, même plus. Au final, il y a eu 670 presque, un truc du genre. Okay. Donc c'est quand même énorme. Bah merci. Et à vous. Le vainqueur du tournoi, c'est Chris FCGB. Alors on précise. Ça a été fait sans trucage. Je sais pas trop comment ça marche. C'est possible de revoir le tirage au sort directement sur le site. Tout à fait. Donc, notre monsieur maître en foireuse vous fournira les preuves. Donc voilà, n'hésitez pas. On a mis en commentaire le vainqueur avec la petite photo pour prouver que c'était bien. Il doit être content, comment faire pour récupérer Alors, à Bordeaux. J'ai déjà envoyé un message à Chris pour le prévenir qu'il avait gagné quand on a fait le tirage au sort, parce qu'on l'a fait il y a une quinzaine de minutes. Alors ce sera à lui de voir s'il peut venir en studio ou au stade, si on lui envoie ou au stade. Voilà, donc voilà. Non, en tout cas, merci à vous tous d'être bravo présents. À lui. Non, juste vendredi, on a eu un auditeur qui nous a appelé, il s'appelait Lucas. Ah oui, non, et qui petit. Est d'ailleurs sur le chat en ce moment, donc je le salue. Lucas, il m'a envoyé un message en privé pour savoir s'il pouvait venir faire une émission. Lequel, parce qu'il y en a deux. Lucas, donc c'est Lucas. Il est écrit en bleu, je crois. Lucas. Ouais. Voilà. Ah oui. Et du coup, voilà. Donc, bah, s'il veut, oui. N'hésitez pas à vous envoyer un message, soit sur Girondin Analyse, soit vous contactez une des personnes qui est présente ici. Que Girondin Analyse le suive pour qu'il puisse voir avec vous. Ou vous contactez Thibaut, envoie-nous un message. Marc ou moi-même, on a sur nos Facebook et nos machins, on est Marc GA, Seb GA, enfin Girondin Analyse. Ouais. Donc, si vous voulez assister à l'émission, oui, tout à fait. Avec plaisir. Donc, on vous accueille. Lucas, je pense que c'était le 9 novembre, je crois qu'il voulait venir. Il était gentil, le petit. Tu peux envoyer un message en privé à Girondin Analyse, maintenant c'est fait en direct. Voilà. Et ben oui, puis si comme Lucas vous avez envie de participer à l'émission, vous venez, vous passez l'émission pendant une heure avec nous. Prévoyez un moyen de transport quand même, parce que bon, c'est pas que on n'est pas les bus et les. On a Blanquefort. Bien, merci. Messieurs, je vais remercier monsieur Clément Carpentier d'avoir passé. Alors, merci parce qu'à la base, il devait pas rester aussi longtemps et du coup, il a J'ai trouvé que notamment Frédéric Jossinet avait été très intéressante, donc il fallait la laisser parler parce que c'est rare qu'on ait des gens aussi intéressants et aussi en plus qui a un poste assez important, donc il y avait des choses forcément intéressantes à dire. Et c'est là où tu vois peut-être les anciens sportifs par rapport à des gens vraiment du sérail du truc. Elle a quand même un poste qui est directrice du foot féminin à la Fédération française de football. Enfin, c'est quasiment l'équivalent de Noël Legrette. Elle ne peut pas tout dire et je pense que. Mais je trouve que il y a des consignes et justement, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est qu'on la sent hyper libre, naturelle. Hyper voilà, libre. Elle rebondissait sur 2-3 vannes un peu. Voilà. Enfin, tu vois, hyper. Je suis pas sûr qu'avec Legrette tu puisses faire ce genre de choses, quoi. Hein? Oui, un peu lourde. J'ai pas lu ce qu'il y avait sur le chat. Mais mais tu vois ce que je veux dire. Je suis pas sûr qu'avec un Legrette qui est hyper, voilà, le mec carré, le président, le machin, tu puisses. Je l'ai trouvé intéressant, super. Très intéressant. Franchement, c'est pour ça que je l'ai laissé parler. Donc merci à toi, vraiment, Clément. J'aurais coupé. On va te suivre ces prochaines semaines, évidemment. J'espère que ça sera plus calme quand même, parce que à un moment donné. Oh, ça va, ça paye. C'est jamais calme la qualité des journaux. Voilà, c'est ça. Plus tu bosses, c'est plus. C'est plutôt bon signe aussi que ça soit jamais calme, parce que ça prouve que c'est un club vivant et qui intéresse les gens et auxquels on s'intéresse aussi tous. J'ai une question très bête. 20 minutes te dit Clément, tu suis Bordeaux tout le temps, ou si demain il te veut te dire Clément, tu suis plus le Girondin, tu fais, je dis une bêtise, moi, les faits divers sur Bordeaux? Ah non, bah c'est simple, on a un bureau ici à Bordeaux de 3 journalistes, puisque notre bureau principal est à Paris avec plus de 80 journalistes, et dans les 10 plus grandes villes françaises, on a des bureaux. Et donc on est 3 journalistes, 2 journalistes en infogéné, donc ce qui s'appelle l'actualité dans sa globalité, sociale, économique, politique, culturelle, voilà. Et à chaque fois, il y a un journaliste sportif, donc qui fait du sport et de l'infogéné. Aujourd'hui, il fait les deux, et moi, je suis le journaliste donc sportif et infogéné. Et donc du coup, vu que je suis à Bordeaux, il faut que je suive tous les sports bordelais. D'accord. Donc c'est pour ça que des fois en milieu tu cherches pas un assistant. Bah, j'espère que t'étais pas. J'espère que t'étais pas un boxeur anglais. C'est quand j'étais vendredi. Oui, moi aussi j'y étais quand les arbitres ont refusé 2 buts valables au boxeur. Ouais, notamment le troisième, il a foutu les couilles. Bref, pour finir, voilà, donc c'est pour ça que la semaine j'essaye de parler d'autres sports que les Girondins de Bordeaux pour pouvoir justement diversifier pour les gens, parce que c'est quand même intéressant de connaître aussi les autres sports. Et puis il faut que tu viennes participer au GR. J'allais dire, il faut que tu viennes faire une. On a parlé du water polo féminin. Il cherche des. On a parlé du volley féminin. On est là à voir un match de volley féminin avec. Non mais c'est sympa, franchement. Les Burdi quelque chose, oui, c'est Burdi ça. Galaise. Exactement. Voilà, il y a des clubs qui mériteraient d'avoir plus d'éclairage ici à Bordeaux. Après, il y a les Girondins qui prennent beaucoup de place. Il y a l'UBB aussi, un club de top 14. Donc, les GSA, bientôt, on est en train de travailler. Les GSA, ils sont en train de remonter. Bah, Il y a l'USB Water Polo aussi. Voilà, également dans l'émission. De Bordeaux avec le football américain. Il y a beaucoup de choses, et pourtant, c'est des gens qui font souvent des choses avec pas beaucoup de moyens. Moyens institutionnels, donc c'est quand même, faut le reconnaître, ici à Bordeaux il y a quand même une vraie vie sportive qui n'est pas forcément soutenue par la région ou par le département ou ce que vous voulez, mais au moins il y a une vraie vie sportive, donc et justement c'est un très bon teaser, puisque une fois par mois, vous le savez, depuis cette saison dans cette émission, vers le vendredi soir pendant 3 heures, on essaye de vous faire découvrir d'autres choses. On parle évidemment des Girondins, mais on invite des gens qui, voilà, bah, qui représentent la vie sportive bordelaise. On a eu du water polo féminin, du volley, on a eu les JSA, on a eu du e-sport, bref. Donc prochaine émission, c'est vendredi, c'est le 2 là qui arrive. On parlera évidemment du match à venir. On joue qui ? On a Lyon 17h samedi. Donc je pense qu'on va en parler. Non mais je le verrai peut-être pas le match, donc c'est pour ça que j'ai un peu zappé. Oui. Et à noter ce sujet. Et peut-être un très gros invité vendredi. Ouais. Et si jamais Julien ou Benoît nous écoutent, les joueurs qu'on avait reçus de la peste. Voilà, où j'étais. Si jamais s'ils nous écoutent, félicitations à Julien qui a réussi une belle chose ce week-end. C'est-à-dire sur FUT, il a réussi à faire 29 victoires et une défaite. Ah, quand même. Donc, bravo à lui. oui, on peut pas. Donc, voilà, merci messieurs, merci Clément, merci également merci à Frédéric Jossini d'avoir été notre invité pendant la première partie de l'émission. Vendredi, tout à fait. Vendredi soir, Gérard, Marc, on fait quoi alors du coup 20h30, 20, on fait quoi 21h, 23h, minuit, 20h30. 20h30, point de début, et on s'arrête à minuit. Et on s'arrête quand on aura terminé avec peut-être, on vous le confirmera dans la semaine, un très très très gros invités. Alors très très gros, il est maigre, hein, mais on parle pas de Gignac. Ouais. Voilà. Ni bonne mère. On peut vous dire que ça a fait du bruit cet été. Oui, c'est un peu. Oui, ça fait du bruit. Regarde, plus ou moins par. Allez, bonne soirée. Que voilà. Allez, suspense. On vous teasera ça dans la semaine et puis rendez-vous vendredi 20h30. C'est Marc qui prépare le Sekiki, Marco. T'as toute la semaine pour le préparer, l'oublie pas. Parce que là, gros Sekiki de 35 minutes. J'ai que ça à foutre de mes semaines. Sérieux, je crois que je fais quoi. Je débauche, il est 20h30. Et le mec, il me dit ah, t'as le Sekiki à faire. Allez, bonne soirée à vous tous. Merci. Ciao. Enzo, merci Clément, merci Marc, merci Cyril, Thibaut. Merci Thibaut. Et voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. Et allez, Bordeaux.